ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis toujours Corentin et on a enfin, finalement, de nouveau l'équipe au grand complet avec évidemment le sublime, le grandiose et je dirais même le magnifique Melvin. Melvin, comment ça va ? Ça va. Et avec nous, on l'avait déjà eu lors du tout premier Versus et dans un prochain épisode à venir, mais il est là avec nous, il est présent, c'est évidemment Alban. Alban, comment ça va ? Eh bien, moi, ça va, mais vous, ça va un peu moins aller à cause de ma douce voix qui a un petit peu subi ces derniers jours, comme ça s'entend. Je pense qu'on l'entend bien. On se retrouve pour un épisode assez particulier, puisque après une petite pause estivale où le rythme avait un petit peu diminué, on s'est dit que pour faire une rentrée en tranquillité, sans forcément de gros épisodes de 2-3 heures et plus, je crois que le record, c'est le Matthew Vaughn qui a plus de 3h30, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Oh oui. On se retrouve pour un petit épisode tranquille, ça va juste être un format un peu plus court, a priori, avec juste tout simplement des petites recommandations chacun, les films qu'on a vus récemment, qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés, ça peut varier, c'est juste les trucs qu'on a vus récemment et dont on a envie de parler. Mais avant ça, rapidement, vous, pour cet été, comment était le cinéma pendant cet été ? Comment ça a été ? On va commencer par Alban, avec sa voix un peu fatiguée. Est-ce que c'est les films de cet été qui t'ont mis dans cet état-là ? Alors, c'est pas les films de cet été. Malheureusement, j'ai pas pu aller autant au cinéma que je voulais. Mais il y a quand même, globalement, un été qui était assez riche, autant sur les sorties ciné que sur les ressorties. Il y a notamment une ressortie dont j'ai envie de parler, maintenant. Mais dans les recos que j'ai prévus, il y a pas mal de choses que je suis allé voir au cinéma. Donc, je vais pas rentrer forcément dans les détails, puisque je vais le faire après sur ceux que j'ai le plus aimé. Mais globalement, on a eu un été que j'ai trouvé assez riche avec alors Everything Everywhere All at Once est sorti la semaine dernière, donc ça rentre pas vraiment dans l'été. On peut le compter, surtout qu'il a 6 mois, donc bon, on va le compter. Après, il y a 3000 ans à t'attendre, Elvis, Nope, Decision to Live, La Nuit du 12, Ennio, c'était cet été aussi. Donc globalement, ou même Les Mignons 2 ou The Sadness que j'ai subi subi à cause de la personne avec qui j'étais, on va dire, qui se reconnaîtra hein, à l'autre côté du micro. Évidemment pas moi. Hein. Évidemment pas toi. Et non, globalement, je trouve qu'on a eu un assez bel été, surtout que j'ai pas pu aller voir énormément de films, mais ceux que j'ai vus, je les ai vraiment appréciés. Eh bien, écoute, plutôt chouette pour démarrer. Toi, Melvin, tu le rejoins ou un peu plus mitigé ? Non, je le rejoins totalement et c'était un beau programme cet été. Un peu juillet, un peu light, mais août, on est quand même de grosses sorties, donc ça fait plaisir. Ça se calme en septembre, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on est trois globalement à être contents sur l'été. Moi, j'étais un peu plus triste sur la fin, sur les sorties de la fin, pas mal, je vais pas dire de déception, mais de un peu déçu. Mais bon, voilà. Et alors, je propose qu'on démarre, Melvin Alban, qui a envie de démarrer ? Toi. Allez. Écoute, puisqu'on était sur l'été, je vais parler d'un truc du coup qui est sorti assez récemment. Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux. Je vais aller assez vite dessus. C'est Le Visiteur du Futur. Est-ce que vous l'avez vu tous les deux ? Bien sûr, jour de sortie. Alban, tu l'as vu ou pas encore ? Alors moi, je n'ai même pas encore fini la série qui m'a. Je l'avais commencé il y a quelques mois et la saison 4 m'avait un petit peu déçu, donc je l'avais laissé de côté en attendant d'avoir l'envie d'y retourner. Je comptais la finir avant le film, mais je n'ai pas trouvé le temps du tout d'aller voir le film et je ne sais même pas si j'aurai le temps d'y aller. Donc, moi, je vais écouter vos avis et peut-être que ça va m'aiguiller un peu dans le choix. Bah écoute, je vais passer peut-être pour un rabat-joie, mais il faut savoir que je suis allé le voir sans avoir vu la série et pas du tout vu la série. Et j'avais trouvé ça attachant, très attachant. Genre, je vois les ambitions, je vois les idées, il y a quelques gags qui fonctionnent. Mais vraiment très imparfait, c'est-à-dire que la première partie pour moi se tient vraiment bien, étonnamment bien. Le film prend le temps de présenter son concept et ses personnages, alors, et même moi qui n'ai pas du tout vu la série, je pouvais voir qui était qui. Mais je trouve qu'il y a une deuxième moitié vraiment de ça, et j'aime bien la fin. J'aime bien la fin qui arrive à relever un peu le niveau. Mais pour moi, le dernier tiers, globalement, à partir, bon, sans spoiler, Melvin verra de quoi je parle, je pense, mais à partir de l'interrogatoire, j'ai trouvé ça vraiment paradoxal. Pas paradoxal, mais typiquement, moi, la scène de l'interrogatoire, j'avais envie de m'arracher les cheveux, quoi. J'ai trouvé ça vraiment insipide, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile, mais à nouveau, j'ai pas vu la série et j'ai pas le même attachement à l'univers. Donc peut-être que Melvin, toi qui, me semble, a vu la série, aura un avis différent et peut-être un peu plus élogieux que moi. Non, je vais pas forcément être plus élogieux, j'aurai le même avis que toi, mais juste rajouter que, contrairement à un certain Kaamelott, le film se suffit à lui-même. Si tu vois pas la série, tu comprends tout, comme tu dis, les personnages, ils sont assez clairs et tout ça, et t'as une histoire qui, au final, ne suit pas la série. Après la fin de la saison 4, t'as 2-3 références, t'as pas dû comprendre ce qu'était Néo Versailles, par exemple. Mais... en fait, un ami m'avait fait un pitch juste avant, donc si, je voyais ce que c'était, mais typiquement, la moitié des personnages, j'ai dû demander, par exemple, le scientifique, je vais pas trop dire, mais sa vraie nature... Je la savais parce qu'on m'avait expliqué juste avant, typiquement. Mais c'est pas des choses obligatoires à savoir, et ça se suffit très bien à lui-même. Après, le problème du film, c'est qu'il a des différences de ton assez énormes. Je trouve que tu passes à une scène d'humour un peu bête à des trucs très dramatiques, et ça joue bizarrement là-dessus. Mais après, c'est ambitieux. Ça reste un film de science-fiction français, c'est bien fait, et ça fait plaisir, quoi. Ouais, après, comme j'ai dit... Très imparfait, mais j'ai pas envie de taper dessus, c'est-à-dire que je trouve ça très honnête, donc voilà, moi je... Bilan un peu mitigé pour moi, et Enya Barou, non, c'est non, pas... C'est ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. C'est non, le surjeu le plus complet. Mais donc... Même la Carlito jouait mieux, c'est pour dire. Et pourtant, on part de loin quand même. Ah oui. Et donc, Alban, puisque tu l'as pas vu, toi, qu'est-ce que tu veux commencer par nous recommander ? Alors, juste avant de commencer à vous recommander un truc, justement, par rapport, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux visiteurs du futur, j'ai l'impression que le problème, moi, avec la série, mon problème, c'était que les premières saisons me plaisaient parce que c'était drôle. Et quand ils commencent à mettre des enjeux, j'avais l'impression qu'ils les maîtrisaient moins. Et du coup, par curiosité, juste avant de passer sur la reco suivante, je voulais savoir par rapport à ce que disait Melvin sur les différents tons. Je sais que les dernières séries, globalement, avaient pas trop cet écueil-là. Mais je voulais juste savoir, oui, si du coup, est-ce que là, quand ils essaient de mettre des enjeux, ça fonctionne enfin ou pas ? Un peu mieux, mais pas trop. Ouais, comme je l'ai dit, première partie, les deux premiers tiers, ouais, mais dans le dernier, ça s'enfonce vraiment dans des clichés de narration assez aberrants, et que je trouve vraiment, vraiment complètement raté. C'est-à-dire que c'est... Sauf la fin. Pour moi, la toute fin arrive à avoir un truc... Mais c'est vraiment, pour moi, le dernier tiers rame salement en termes d'enjeux. Et faut savoir un autre truc, c'est que moi, l'humour de la série me fait pas tant rire que ça. C'est-à-dire, il y a 2-3 trucs qui me font sourire, mais je vais pas... Bah, typiquement, Kaamelott, la série, m'explose de rire, là où Le Visiteur du Futur me fait plus sourire. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais ouais, c'est... La narration, ouais, comme dit Melvin, un peu mieux, mais on n'est pas non plus... Ouais, ça galère toujours un petit peu. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous recommander ? Alors moi, pour ma recommandation, tout simplement, ça va être, vous y attendez, hein, un de mes films préférés de l'année, si c'est mon film préféré de l'année, il faut toujours que j'y réfléchisse, et c'est donc 3000 ans à t'attendre, de George Miller, sorti à la fin août. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, 3000 ans à t'attendre, ça va être tout simplement une histoire de Jean, puisqu'on a une auteure qui va se retrouver en possession d'une lampe, et qui va donc avoir 3 souhaits. Et donc, on va tout simplement suivre cette personne qui va découvrir un petit peu l'histoire qu'il y a autour et exaucer ou pas ses 3 souhaits. Donc, pourquoi j'aime... et avant de donner un avis, je ne sais pas si... Corentin, tu ne l'as pas vu, je crois. Et Melvin, pas, ça, je pas sais vu, qu'il l'a vu. Mais a priori, je le vois soit demain, soit après-demain. Ton avis va finir de me convaincre. Melvin, tu l'as vu, toi ? Ouais, mais j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas trop dans le... Enfin, vous me connaissez à force. L'histoire ne m'a pas embarqué. L'histoire générale, on va dire, m'a pas embarqué, notamment toute la fin. Mais je reconnais que c'est très bon et j'ai pris mon pied, quoi. C'est super bien réalisé, c'est prenant dans la mise en scène, dans les décors, les musiques. Enfin, c'est vraiment très très bon. Et oui, Idris Elba en fin de carrière. Et ça fait... Même s'il se rattrape quand même en tant que DJ à Ibiza, ça, moi, je trouve ça fou. Alors, moi, justement, ça m'a beaucoup surpris qu'il plaise autant à Melvin, parce que je sais que pendant le visionnage, j'y ai pensé et je me suis dit que vraiment, ça allait pas te plaire. La kryptonite de Melvin. Il faut savoir qu'Alban pense tout le temps à moi. Voilà. Voilà, tout le temps, tout le temps. Mais surtout dans les moments les plus intimes, mais ça reste entre nous. Et ça c'est hors antenne, les gars, ça c'est hors antenne. Mais justement, je pensais que le film plairait pas à Melvin, et je pense qu'on l'aime pour des raisons opposées, tout simplement parce que moi, ce qui m'accroche le plus dans le film, c'est toute la poésie qui s'en dégage. Je sais que j'avais de grosses attentes, et notamment en termes de réalisation, puisque George Miller sort de Mad Max Fury Road. Et en fait, celui-ci est beaucoup plus, il est beaucoup plus libre, en fait. Il est moins tenu. Fury Road, on a l'impression que c'est vraiment un rock, qu'il est très solide. Et lui, il y a quelque chose de plus relâché. Donc, il y a quelques imperfections qui vont venir. Mais il y a un fond qui vraiment, moi, m'attrape et qui se déploie dans la dernière partie, qui est celle que Melvin aime moins. Et notamment, déjà, de par les thématiques qu'il traite, puisque ça va parler... Je vais pas trop en dire, t'inquiète pas, Corentin, hein, mais grosso modo, ça va parler de... Sache que je suis prêt à jeter mon casque si jamais tu dis un truc trop fort. Non, voilà. Vraiment, il faut pas t'inquiéter, j'en dirai pas plus sur le film, de toute façon, mais je vais même pas dire les thématiques, en fait, vous le verrez en allant voir. Mais moi, c'est des choses qui me parlent, et en plus, il arrive très bien à lier les deux principales thématiques. Tu peux les dire éventuellement pour les auditeurs, ceux qui l'ont vu, je pense, sauront de quoi ils parlent. Mais oui, c'est ça, ceux qui l'ont vu sauront, mais en gros, globalement, moi, ce qui m'agrippe le plus, ça va être quand ça parle de la place de la fiction, de l'art et aussi d'amour, tout simplement. Et les deux s'entremêlent de manière assez intelligente, je trouve. Et en fait, on a un film qui est vraiment, je le répète, mais très poétique et qui arrive à agripper, à créer quelque chose. Et en fait, du coup, on lui pardonne volontiers toutes ses imperfections parce qu'il a un propos qui est très, très fort, qu'il arrive à déployer avec une réalisation qui a de très bonnes idées. On n'est pas sur quelque chose d'aussi brillant que Fury Road, mais il y a vraiment des idées qui sont hyper plaisantes, parfois très exubérantes. Et il y a des scènes qui ont une ambiance très particulière et vraiment assez plaisante, quoi. Et je confirme que Idriss Elba a enfin une carrière. Melvin, t'as quelque chose à ajouter? Parce que moi, j'ai trois questions sur le film. Non, vas-y, moi je l'ai vu et je peux que conseiller, c'est alors, très riche. Alors, question 1, c'est le même chef-op et le même compositeur que Fury Road, donc c'est John Seal et Junkie XL. Je voulais en parler. Comment sont la photo et la musique? Est-ce que c'est aussi... Fury Road, c'était que ça se posait là quand même en termes de masterclass plus ou moins totale sur la photo et la musique. Est-ce que c'est au niveau... Est-ce que ça arrive à s'adapter au projet qui a l'air plus terre-à-terre que Fury Road ou pas trop? Et surtout, Junkie XL sur ce genre de film, est-ce que ça passe concrètement? Alors, je voulais en parler, justement. J'attaque et je laisse Melvin parler après. Hein. Mais justement, moi, je ne savais pas du tout, je ne m'étais pas renseigné sur le film, et je ne savais pas que c'était Junkie XL, qui maintenant se fait appeler Tom Holkenborg, je crois, qui faisait la BO. Et il se fait appeler. Un peu son vrai nom, non? Oui, c'est un petit peu son vrai nom, c'est vrai. mais je savais pas du tout que c'était lui qui était derrière la BO. Et justement, au moment du générique, ça m'a vraiment surpris. Parce que c'est un compositeur que j'aime beaucoup, mais qui, globalement, pour caricaturer, a fait beaucoup de boum-boum. Et là, on est vraiment sur une BO qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus axée sur la musique orientale et qui, de manière générale, est très douce. Je trouve pas la BO absolument brillante, mais je la trouve vraiment belle. Et surtout, en fait, c'est un changement de direction que j'espérais voir chez Holkenborg pour qu'il se diversifie un peu, et ça me fait très plaisir. Bon, et pour ce qui est de la photographie, je la trouve très, très bien tenue. On est encore sur des couleurs très éclatantes sans que ça fasse un aspect trop numérique ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est aussi un sans faute. Pareil, pas à la hauteur et à la maîtrise de Fury Road, mais je trouve ça vraiment très bon. Ok, deuxième question. Melvin, tu as quelque chose à dire sur la photo? Je vais dire, c'est dur de comparer Fury Road tellement c'est différent, en fait, surtout pour la musique. Ça n'a rien à voir, pour le coup. C'est très posé, alors. Oui, voilà, c'est ça, c'est très posé comme film. Donc, on ne la retiendra pas forcément en tant que thème, comme on retient Fury Road. Genre, si on fait un blind test, tu me dis 3 minutes à t'attendre, je te fais je sais pas. mais ça fonctionne très bien avec ce que le film raconte. Ok, et alors, question qui va être un peu plus touchy, peut-être, n'en dites pas trop sur ce sujet quand même, mais où je suis assez curieux, est-ce que le film est ouvertement fantastique? Ou est-ce que, un peu à la Jarmusch sur certains films, et je dis pas forcément, je dis pas ça que méchamment, quoique peut-être, est-ce que c'est ouvertement fantastique ou est-ce que ça se sert d'un élément fantastique, à savoir la présence du djinn, pour faire complètement autre chose? Je laisse bah, le répondre, je suis curieux. Le mieux, c'est que tu vois par toi-même. Ok. Non, c'est entre les deux, je pense. Ok, n'en dites vraiment pas trop. C'est pas ouvertement fantastique, mais ça l'est quand même. Voilà. Je vais juste te dire, alors pareil, j'en révèle pas, tu verras bien, justement, il y a, comme le film réfléchit, comme j'ai dit, l'une de ses mathématiques pour moi, c'est la fiction, donc forcément, ça, c'est une partie de la réponse. Et je pense que, justement, certaines personnes ont peut-être pas assez fait la nuance. Enfin, on n'a pas assez réfléchi à cet aspect-là, et c'est de là que viennent certaines attaques, si je puis dire, comme quoi le film serait trop niais ou la romance serait trop cliché. Justement, la réponse, pour moi, vient de ta question. Ok, bah je découvrirai ça. Tu comprendras, du coup. Pas de souci. Et troisième et dernière question, mais je pense que la réponse est évidente, t'en avais parlé. Lors de la sortie de Fury Road, il y avait eu tout un mouvement autour, justement, de le fait de faire comprendre une histoire par l'image, où justement Miller avait à peu près mis tout le monde sur le cul en montrant que Fury Road, bah, tout passait par l'image, que les dialogues ne servaient quasiment presque à rien. Et ici, j'ai vu plusieurs critiques, plusieurs retours faire avis que c'est l'antithèse, que tout passe par les dialogues. Alors, question bête, est-ce que l'écriture, parce que Miller est seul au scénar, je viens de voir, tient la route? Je sais que Miller est bon, hein, mais est-ce que ça tient la route quand même sur quasiment 2 heures? Oui. Large. Si Melvin le dit, c'est que ça doit être le cas. Moi, tu sais que moi et les dialogues, moins il y en a, mieux je me porte. Et non, ça fonctionne très bien, justement. Oui. Alors, je suis du même avis. Enfin, moi, j'irais même plus loin. Je dirais que c'est brillant. Je trouve qu'il y a très peu de... Parce qu'on va sur des sujets où c'est très facile de faire du cliché, ce genre de choses. Et il y a très peu, vraiment très, très peu de fausses notes et je pinaille. Et même si la réalisation est vraiment très inspirée, il y a énormément de choses et souvent le plus beau qui... Peut-être pas souvent, ça, c'est assez équilibré en fait, mais il y a de très très belles choses qui passent par le dialogue. Et comme je le dis, en plus, c'est des dialogues très compliqués à écrire, je trouve. Donc globalement, oui, ça parle, mais c'est loin d'être un défaut. Justement, ça montre que bah, Miller sait tout faire. Hein. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. J'ai très très hâte de le voir. Vous aurez sûrement mon avis dès que je sors de la salle. Donc merci beaucoup. Et Melvin, à toi, ta première reco. On va rester sur le ciné hein, avec le film qu'Alban ne va pas aimer, Bullet Train, avec Jackie. Parce que si on se bat pas, c'est pas rigolo. Voilà, bah, forcément. Et non, moi, c'est le coup de cœur de l'été. C'est le cinéma que j'aime, en fait, tout simplement. Pas trop de scénar, mais un peu quand même. De l'action bien filmée, et puis voilà quoi. Et ça restera pas forcément avec les années, mais déjà, je l'ai vu deux fois, et c'est très rare que j'aille deux fois au cinéma. Cette année, c'était que avec les Mignons 2, et ça quand même. Ça en dit, long, ça en dit plus long sur toi que sur nous, mais bon, t'en fais ce que tu veux. Alban est venu. Et non, voilà, ça m'a diverti en fait. C'est l'expression du divertissement pour moi, et c'est ce qui me plaît. J'invite tout le monde à le voir. Je sais que vous l'avez vu. Alban, tu veux démarrer? Moi, je suis un bullet train repenti, donc Alban, je te laisse attaquer. Eh ben, je vais commencer par expliquer pourquoi c'est nul et après Corentin expliquera pourquoi avant c'était nul mais maintenant c'est bien. Non, en plus j'exagère, mais en fait. Sois gentil. Non, en plus je vais pas. Je trouve pas ça catastrophique, je trouve juste pas ça bon. Et en fait, à l'origine j'y allais en pensant voir une marvellerie et le film m'a agréablement surpris sur son démarrage parce que non, c'est pas ce qu'il est. Il essaye de faire des choses. Le seul problème c'est que pour moi il se rate. En fait, il essaye vraiment de se ramener, c'est pas par hasard si Melvin l'aime, hein, à quelque chose de très... les films britanniques à la Guy Ritchie un petit peu. Et la logique marche très bien, je trouve. Il y a une bonne dynamique, les personnages sont un peu des clichés, mais ils fonctionnent, en tout cas pour la plupart. Et il y a plein de petits trucs qui me gênent, mais il n'y a rien qui me sortait du film. Sauf qu'en fait, plus on avance, et plus... Bon, je ne peux pas trop en parler pour laisser la découverte du film, mais... il y a des éléments qui me gênent. Le film te laisse imaginer une certaine direction, puis ne l'emprunte pas. Me surprendre, c'est positif, mais je trouve que la direction qu'il emprunte à la place est beaucoup moins bonne. Et en fait, de manière globale, je trouve que le film n'arrive jamais à créer des bons instants, des vraies scènes que tu retiens. Comme s'il ne se faisait pas confiance, souvent il coupe trop tôt, ou alors il en mêle deux en même temps, ce qui fait que tu profites d'aucune. Et en fait, de manière générale, j'ai été agréablement surpris par la... par en fait ce que le film a envie de faire. Mon seul reproche, c'est que je trouve qu'il n'arrive pas à le faire assez bien. Bah, moi perso, enfin, t'as fini, je peux... Oui. Moi perso, j'étais à peu près de ton avis, j'avais même trouvé ça globalement infernal, parce que je déteste dans les films d'action moderne, la... enfin, c'est en partie dû à Marvel, enfin en partie globalement dû à Marvel aussi, mais genre je déteste ces petites blagues en coin, ça m'énerve vraiment de plus en plus. Et faut savoir que j'avais revu Atomic Blonde juste avant. Atomic Blonde que je trouve bien fait par moments et vraiment foiré sur d'autres, notamment le fait qu'il était beaucoup trop long pour son propre bien, parce que bah, son scénar était vraiment pas terrible. Il dure quasiment 2 heures et on pouvait facile que de 20 minutes. Mais il y avait des trucs pas mal. Il y avait le plan séquence qui était cool, Charlize Theron qui se débrouille, et la fameuse scène entre Charlize Theron et Sofia Boutella. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Et Bullet Train, en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Et en fait, en le revoyant, en sachant à quoi m'attendre, je me suis dit que c'était cool. Comme tu dis, Alban, je retiens pas forcément énormément de scènes en particulier, mais je sais pas, il y a un espèce de... Je trouve que le film est honnête dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que il sait qu'il n'est pas spécialement très, très intelligent, mais ça me... Je sais pas, en sachant à quoi m'attendre, j'avoue que j'ai été plus agréablement surpris en le revoyant une deuxième fois. Et puis, il y a Michael Shannon qu'on voit trop rarement, ça c'est cool. Il y a la moustache d'ailleurs. Je reviendrai dessus. Alors, j'ai pas dit qu'il était bon dans le rôle, mais bon, c'est Michael Shannon. Il y a Aaron Taylor Johnson et sa moustache qui... La classe incarnée. Alors, il est mi-génial, mi-gênant, mais c'est vraiment... ouais, c'est cool. Non, c'est juste, je trouve qu'il y a un sentiment de cool qui sort du film qui, moi, m'a pris. Après, comme tu dis, est-ce que c'est un bon film? Je sais pas. Mais moi, je dois admettre que là, quand je l'ai revu, j'ai passé un plutôt bon moment, vraiment. Il y a des tatanes bien faites. C'est un peu au-dessus des blockbusters en termes de violence, mais c'est pas non plus, bon, c'est pas non plus Byzance, quoi. Mais non, c'était sympa à revoir. Après, bon ou mauvais film, je sais pas, mais voilà, bon moment. Alors, moi, j'aimerais juste rebondir en 2 secondes sur Michael Shannon, parce que justement, pour moi, c'est symptomatique de ce qu'il foire dans le film. En fait... Ouais, je vois tout à fait. La base du perso, son histoire, je vais pas détailler qui c'est dans le film, mais me chauffer énormément. Les premières scènes liées à lui sont très, très bonnes. La scène, tu penses à la scène dans le temple? Ouais. Et elle est ultra classe. Elle est vraiment très bien. Et globalement, même le cast de Michael Shannon par rapport à ce rôle, tout était fait pour marcher. Et pourtant, le perso foire. Et notamment parce qu'en fait, il se déploie dans le climax. Et je trouve que le climax du film est vraiment pas bon. Le climax est clairement foiré. D'autant plus que le climax, c'est blague à gogo. Et ça marche plus, en fait. C'est que là, ça... Oui, justement, le faux cool des blagues prime sur une vraie mise en scène et une vraie histoire qui se tient. Absolument. Et par exemple, il y a une grosse scène de baston qui aurait pu être réussie, et au milieu il y a le truc de la bouteille. Ouais. Et ça, par exemple, c'est un petit peu c'est regardé, on est méta, et en fait, bon, déjà l'idée est mignonne mais pas folle, et surtout ça casse la scène tout simplement, en fait, parce qu'il y a vraiment un petit cut de 1 minute au milieu, et moi c'est ce genre de choses qui m'empêche de vraiment aimer le film. Bah, je te rejoins. Après, on est d'accord que le personnage de Aaron Taylor Johnson, c'est le meilleur perso du film. En tout cas, j'ai trouvé, moi, que c'était vraiment le meilleur. Je trouve qu'il y a une... Et surtout, c'est un des persos, je trouve qu'il y a une écriture, il y a quelque chose qui s'en sort bien. Au-delà de son look absolument improbable. C'est mon futur look, hein, ça, d'ailleurs. Ah. La scène, voilà. La moustache, comme... la coiffure et le costume, hein, tu fais l'intégrale. Tout pareil. Et point américain pour parfaire. À moi, du coup... Moi, je prendrais la... Ah. Vas-y. Bah écoute, je vais aller très vite parce que je sais que vous l'avez pas aimé, mais je vais le placer, c'est mon bébé, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi je le dis, c'est dans mon top 5 de l'année. Hein. C'est ce que tu as déjà commandé en Blu-ray. Précommandé en Blu-ray 4K, monsieur. Non, donc moi c'est The Sadness de Rob Jabba, qui était sorti début juillet, Pour faire simple, ça se passe à Taïwan, à Taipei, il me semble très précisément, et il y a un virus qui se déploie, qui pousse les gens à devenir globalement des sadiques meurtriers. Simplement. Le film a fait un tour des festivals où il a sacrément fait parler pour sa violence et sa méchanceté. Et moi, en allant le voir, je voulais honnêtement juste voir ça, un pur film d'exploit. Et pour un tout premier long métrage, je trouvais que le film s'en sortait vachement bien. Je l'ai revu là en plus en salle il n'y a pas longtemps. Il échappe pas à certaines affres assez foirées, je trouve. Par exemple, le début, il y a un personnage en sur un toit, il apparaît, il disparaît, bref, ça c'est pas obligatoire. Mais honnêtement, j'ai passé un super moment, c'est-à-dire les personnages sont assez bien croqués, on n'est pas... Moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette, et j'allais voir le film pour sa violence. Honnêtement, j'ai été servi, le film est uber vénère, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi gore, aussi méchant, et surtout en salle. Et apparemment, pour le coup, vous attendez pas à du gore festif, hein. Il y a un côté un peu fest, sympa, mais il y a vraiment des scènes qui mettent mal à l'aise. Je pense notamment à la scène de l'œil. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, messieurs. ouais, c'est particulier. Mais voilà, alors après, le film va pas bien loin. C'est un pur film d'exploit, vraiment. C'est-à-dire que on lui demande de montrer de la violence, il la montre. Il parsème ça de quelques trucs qui se veulent politiques, un peu comme un petit con. Ça va pas bien loin, et clairement, ça veut pas dire grand-chose. Mais j'y allais en tant que pur film d'horreur, vraiment choc. C'est ça que je voulais voir en allant le voir. Et honnêtement, j'ai été plus que régalé. Allez-y, défoncez mon bébé, Melvin. Ah, Melvin, tu démarres. Je dirais pas que j'ai pas non plus aimé. Ça passe juste... visuellement, c'est bien. Ouais. Au niveau scénario, il y a rien, quoi. Je trouve que le film n'a aucun sens. Il te montre des trucs, regardez, je fais du gore, mais à côté, il y a rien du tout. Il y a aucune signification, ou il y en a, mais on comprend pas. Il y a l'histoire, elle est balisée, et je trouve ça un peu vide, en fait, au final. Après, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, hein. C'est pour ça que je veux pas le défoncer, c'est juste, je m'en fous un peu, quoi, au final. Ok. Alors, moi, je suis même plus positif que Melvin. Tu dis qu'on déteste parce que, mais, on n'a jamais dit qu'on détestait le film, c'est juste que quand toi, tu apprécies vraiment un truc et qu'on est un peu plus mitigé, tu le prends très à cœur. Exact. Mais non, le film est très bon. Voilà, bah, comme tu le dis, dans son côté très violent, et globalement, les scènes d'action sont très, très bien fichues. La scène du métro, quand je l'ai revue hier, j'ai trouvé qu'elle était d'une... J'ai été surpris par la façon dont il va monter son film. C'est-à-dire que c'est super énervé, ça arrive à montrer vraiment les scènes violentes plein cadre, tout en restant très lisible sur l'enchaînement des actions. Vraiment, j'ai été assez impressionné en revoyant ça. Donc ouais, sur les scènes de violence, c'est clair qu'il y a un vrai savoir-faire. Moi, mon seul problème, comme tu l'as dit, c'est que ça ne va pas plus loin déjà. Donc ça empêche le film d'être, par exemple, dans un top de l'année. Et en fait, au-delà de ça, tu dis que les personnages sont très bien croqués. Bon, déjà, c'est un beau jeu de mots. Pas mais, très bien, non. juste que ce que je veux dire par là, c'est que souvent, dans ce genre de film pur choqueur exploitation, je m'en fous. Et honnêtement, bah par exemple, je prends la scène de fin à travers la grille, j'en dis pas trop pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah pour moi ça fonctionnait, j'avais un petit attachement quand même à ces deux héros. Et justement, moi c'est... Alors là, on revient sur un ressenti plus personnel, mais moi, par exemple, typiquement sur cette scène, je suis un petit peu distant. Donc en fait, je vois la scène, non pas que j'en sois entièrement détaché, mais c'est comme, je suis un petit peu distant, elle m'impacte pas plus que ça, et de manière générale, je trouve que les personnages sont pas assez... on n'est pas investi. De cette faible caractérisation des personnages ou d'une mauvaise caractérisation, je sais pas, vient du fait que... de cette caractérisation un peu plus faible, on va être beaucoup moins investi dans le film. Et donc, en fait, on va voir tous les trucs de violence, mais on va pas trembler en même temps que nos personnages, ou en tout cas, c'était pas mon cas. Ok, pas de souci, je comprends. Mais en tout cas, on peut tous être... en accord sur le fait que c'est peut-être un des trucs les plus violents qu'on ait eu en salle depuis plusieurs années. C'est le truc le plus violent que j'ai vu en salle tout court. Melvin ? Je pense aussi. Et moi, presque, là où je le défends aussi, c'est que ça m'a fait, je vais pas dire du bien, parce que je peux pas dire que ce film m'a fait du bien, mais ça m'a fait plaisir de voir qu'en salle, on pouvait encore avoir des trucs de ce niveau-là et qu'on était... dans le cinéma d'horreur actuel, donc on n'est plus dans le torture porn des années 2000, mais ça a tendance à vraiment s'affaiblir et je trouve à perdre parfois en pure valeur choc, parce que c'est aussi pour ça que j'ai parfois voir un film d'horreur, c'est juste pour être secoué et pour voir quelque chose d'un peu hors du commun, on va dire. Et ça m'a fait plaisir de me dire qu'il y a encore ce genre de truc qui peut sortir aujourd'hui, surtout avec tous les problèmes sociétaux qu'on connaît. Et avec Twitter. Et surtout, oui, il faut vraiment, là-dessus, je suis d'accord, il faut vraiment souligner dire bravo aux distributeurs français, parce qu'effectivement, sortir un film comme ça, c'est un gros risque. Et pareil pour Le Visiteur du Futur, hein, globalement, bon, il y a l'appui film YouTube, mais c'est des prises de risque, et qu'on les aime ou pas, c'est important de les soutenir quand même. On applaudit nos distributeurs français. Donc voilà, ça pour moi, The Sadness. Et donc, Alban, à toi. Alors moi, en deuxième film, j'ai envie de parler non pas d'une sortie ciné, mais d'un film de 1990 que j'ai découvert récemment et qui est Le Bûcher des Vanités de Brian De Palma. Let's go ! Alors, en bref, parce que généralement le film est assez confidentiel, en fait, Le Bûcher des Vanités, ça va parler d'un trader et de sa maîtresse qui vont se retrouver dans le Bronx suite à une erreur de fléchage. Et en fait, de ce mélange improbable, on va dire, va découler... un certain événement qui va devenir un fait divers et qui va être récupéré politiquement. Et donc, en fait, on va suivre principalement ce trader qui va se retrouver emmêlé dans un engrenage plus grand que lui. Et en fait, le film, globalement, est en fait une satire assez piquante, toujours très juste et assez jouissive à voir, où on va être pas sur de l'absurde, mais sur en fait, de l'exagération, de la satire. Et globalement, je trouve le film vraiment très bon. J'ai pris un pied fou devant, notamment au niveau des interprétations. Bon, on a les premiers rôles. Globalement, le casting est très fourni. On a les premiers rôles avec Tom Hanks, Bruce Willis, qui sont excellents dedans. Mais aussi, on a vraiment des seconds couteaux qui sont super bien utilisés et qui, avec très peu de temps d'écran, arrivent à créer des vrais personnages. Notamment, je pense à John Hancock ou F. Murray Abraham, qui sont vraiment très bons. Et évidemment, le tout est soutenu, Brian De Palma, par une réalisation très très bonne. La séquence d'intro, c'est un plan séquence, par exemple, qui marche, qui est vraiment très bon et qui nous met dans le bain. Un plan séquence chez De Palma, c'est surprenant. Tiens. Oui, c'est surprenant, effectivement. Et, le split screen tant qu'on y est. Pardon ? Le split screen tant qu'on y est. Si, il y en a un, je crois. Il y en a forcément. De Palma, alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais il me semble qu'il y en a un. Et globalement, en fait, par exemple, récemment, on parle pas mal de Adam McKay ou quoi, avec son nom pour les satires politiques, mais celle-ci, elle a 30 ans maintenant, elle n'a pas vieilli, elle est vraiment très, très aiguisée, et ça marche à fond, quoi. Melvin, tu veux démarrer ? Mais je ne l'ai pas vu, mais plus ça va, plus De Palma me rend curieux, donc voilà, je le rattraperai. On fera un ou plusieurs épisodes, t'en fais pas. Moi, en ce qui me concerne, je suis un... Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai été très, très, très, très fan de De Palma il y a de ça quelques années. Et j'avoue que je me suis un peu désintéressé du bonhomme, notamment en voyant ces derniers. J'en avais un souvenir plutôt cool. Je ne me rappelais pas que la satire était aussi pertinente. Après, peut-être qu'à l'époque, je ne l'avais pas vu. Mais moi, De Palma, globalement, c'est surtout entre 74... et 83, c'est-à-dire qu'entre Phantom of the Paradise et globalement Scarface, je sais pas, Scarface, je le mets un peu à moitié dedans, à moitié pas dedans. Pour moi, c'est simplement le plus grand réal du monde. Sur cette période-là, je vois pas qui lui arrive à la cheville. C'est-à-dire que dans cette période-là, il a quand même Obsession, Carrie, Pulsion et Blowout, quoi. Merde, il a Blowout. Blowout, qui je pense est mon préféré. Donc non, ça a très longtemps que je l'ai pas vu. J'avoue que quand on avait reparlé il y a quelques semaines, je me suis dit putain, ce film existe. Mais écoute, je le reverrai si j'ai l'occasion. En plus, je suis sur le casting et ouais, je me rappelais pas que Tom Hanks avait joué pour De Palma. Et mais je après, trouve que c'est son meilleur rôle. J'ai jamais été un grand fan de Tom Hanks. Enfin, je l'ai toujours trouvé bon, mais jamais incroyable. Et je trouve que vraiment, c'est son meilleur rôle. Moi, je fais partie de la team Tom Hanks. Mais après, pour le coup, s'il est moins connu, c'est qu'il est dans cette période juste après Casualties of War, qui était vraiment pas terrible. Et donc après ça, je regarde, il fait L'Esprit de Cain, qui est voilà, il fait L'Impasse, qui est vachement bien, mais juste après il fait Mission Impossible 1, qui est assez fan, mais moi je suis pas très cool. Après il fait Snake Eyes, que Melvin aime bien, il me semble, ouais, mais qui est moins acclamé, on va dire. Et juste après c'est la chute, quoi. Juste après il fait Mission to Mars, quand même, qui est quand même un peu dur, Femme Fatale, et après bon, Le Dahlia Noir, Redacted Passion, enfin bref, c'est vraiment au bord du gouffre pour lui, quoi. C'est... Donc écoute, merci beaucoup pour ça. Il y a des questions éventuellement ou on peut passer à Melvin? Avec un film qui vous allez voir tout aussi sérieux que vous. Vous me connaissez. Allez, vas-y. Vas-y, Melvin. Moi, je vais parler de Angry Birds 2. Parce que oui, je voulais en parler. Ah putain! Alors, faut savoir qu'on ne s'est pas donné les listes de ce dont on allait parler, donc c'est quelque peu surprenant, mais vas-y. Non, moi j'ai envie de détendre un peu l'atmosphère, tu vois, on parle de trucs, là, de trucs ultra gore, de Brian De Palma. Je ne savais même pas qu'il y avait eu un 2. Moi aussi. Donc, moi j'ai envie de parler de Angry Birds 2. Parce que, figurez-vous, c'est, déjà c'est mieux que le 1. Et c'est super dépendant, moi-même, c'est très con. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi bête en termes d'humour. C'est vraiment de l'humour très premier degré et ça fonctionne super bien. Parce que moi, je m'étais lancé ça en air, tu sais, un peu fatigué. J'arrive le soir, je fais bon, j'ai pas envie de voir un film, j'ai quand même envie de voir un film. Du coup, je me suis dit, je vais voir Angry Birds 2. Et ben, pouf, super surprise. Ah putain. je l'ai pas vu, je savais même pas que ce film existait. Alban, peut-être ? J'ai vu, malheureusement, l'emploi du temps fait que j'ai pas pu voir ni le premier ni le deuxième. Ils sont tout en haut de ma liste de films à voir, bien sûr. Je les regarde ce soir, sûrement, en marathon. De marathon, putain, mais il y a un. Non, le 1 est pas incroyable, hein, alors que le 2. Ah, est-ce que le 2 se voit sans le 1 ? Oui, largement. Tu sais que tu me donnes quasiment envie de le voir. C'est très très con comme film, mais voilà. Surtout quand même Angry Birds, c'est question à la con. Jeu vidéo vraiment bien, quoi. Question à la con, est-ce qu'il y a l'oiseau boomerang dedans ? Il fait un caméo. Oh, putain, il y a un multiverse Angry Birds, quoi. Il y a du service. Bah, écoute, voilà. Moi, je voulais en parler. Bah, bravo, je peux enchaîner ? Attends, juste un petit truc, parce qu'il faut quand même le dire. Il y a un personnage, Aigle Vaillant, qui est un aigle hyper balèze. Enfin, il est un peu alcoolo, mais de base, c'est un aigle hyper balèze, qui est doublé par Peter Dinklage. Et moi, ça me fera toujours rire. Voilà, tu veux juste dire ça aussi. C'est bon, mec. On peut passer à la suite. Et promis, les autres films sont un peu plus sérieux. Attends, je suis en train de voir ce qu'a fait le réal. Il faut savoir qu'il a rien fait d'autre. Il prépare un film de Viking éventuellement. Ah oui, je veux voir ça. Et voilà, je connais pas cet homme, mais bon, pourquoi pas. Moi, je vais parler. Alors, c'est la caution film inconnu. Elle est là, je la place. C'est un truc que j'ai revu avec des amis, avec un ami surtout que je trouve absolument exceptionnel, qui est sorti il y a quelques années maintenant. C'est le film I Am a Hero, qui est adapté du manga du même nom. Est-ce que vous l'avez vu ? Le truc que tu veux me faire voir ? Oui ! Il date de 2015, voilà. Est-ce que vous l'avez vu ? Bah non, toujours pas du coup. Alban, tu l'as vu ? Et moi, malheureusement, alors. Pendant que je parle, je suis en train de chercher parce que le nom me dit vaguement quelque chose. C'est un manga. Je crois que tu m'en as trop parlé. Mais... Ah oui, je propagande fort pour ce film. Mais non, je ne l'ai pas vu en tout cas. Bah, I Am a Hero. Angry Birds 2. Bah, je vais faire très vite alors du coup. C'est un film qui est réalisé par Shinsuke Sato, qui est pas un grand esthète. C'est-à-dire qu'il a fait des films pour des films Gantz. Les fans de Gantz, on est ensemble, mais bon, voilà. Il a fait un film Death Note, il a fait un film Bleach, bref. C'est l'adaptation d'un manga, c'est un film de zombies. Alors, c'est un film de zombies post-2010, donc c'est qu'il est sacrément bon quand même pour qu'on en parle. Le film dure à peu près 2 heures, je vais pas en dire trop. C'est l'histoire d'un mangaka lors d'une invasion de zombies, j'en dis pas trop. Et il faut savoir que le film est séparé en 3 parties distinctes. Une partie, on va dire intro, découverte de l'univers. Une partie plus calme, dans une forêt qui est vraiment assez belle, super bien shootée. Et une partie, la partie bourrine de la fin. Avec à la fin, un gore-fest bien, bien généreux, bien gore, bien gras. Bref, c'est vraiment un film que j'adore. Mais sincèrement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Je n'ai pas peur de le dire. Et c'est un film que j'adore, qui est pas du tout connu, qui est japonais, qui me semble qu'il est sorti en Allemagne, mais il est pas du tout diffusé dans d'autres endroits. Donc voilà, I Am a Hero, si vous avez l'occasion, foncez, c'est un excellent film. Des questions ou on peut passer au suivant ? Non, il faut que je le voie. Je l'ai tellement vendu, il faut toujours que je le voie. Bah, vraiment, alors je sais que j'ai tendance à survendre les trucs, donc peut-être faut prendre un petit peu de recul. Mais vraiment, c'est un film que j'ai trouvé... tellement bon, avec des scènes en même temps assez creepy par moment, en même temps parfois très violent, mais vraiment c'est très très très très chouette. Et si vous avez l'occasion de le voir avec des amis, c'est vraiment la meilleure condition possible. Et donc, Alban, à toi. Alors, pour ma part, on va retourner sur les sorties récentes. De toute façon, après, je n'ai que du cinéma sorti récente ou pas. Mais là, on va parler d'Elvis, qui est sorti donc en juillet, si je ne me trompe pas, et réalisé par Baz Luhrmann. Alors, donc Elvis, c'est un biopic sur Elvis Presley, évidemment. Et c'est un film qui, au final, m'a étonnamment marqué. Et pareil, je pense que ça va finir dans un top de l'année, ça. Et c'est surtout, en fait, le film a été une très belle surprise parce que j'y allais en m'attendant à un petit biopic musical sympathique. Et en fait, il fait partie déjà de ces biopics qui ont un point de vue, donc qui ne se contentent pas d'être des films Wikipédia, et ça me plaît beaucoup. Et en fait, le film est a vraiment un angle d'attaque qui va être celui d'un drame, mais au sens premier, une tragédie, en fait, vraiment on voit où ça va, on sait où ça va, et on regarde les personnages, ils font ses têtes baissées. Et du coup, il y a quelque chose qui est vraiment pas généreux avec le spectateur et qui est rare sur des films aussi grand public, donc qui, moi, déjà, me fait plaisir. Et en fait, globalement, ouais, le film a très bien marché. Bon, évidemment, la performance d'Austin Butler est remarquable. Ensuite, on a une réalisation qui est très, très bonne, et notamment parce que la réalisation de Baz Luhrmann, de manière générale, j'ai tendance à trouver que c'est un peu de l'esbrouf, sauf que là, il arrive à calquer du sens dessus, donc ça me plaît beaucoup. Et je suis allé le voir deux fois, je suis allé le revoir avec un ami, et il tient extraordinairement bien le revisionnage. Donc, globalement, ouais, le film est très bon, il arrive vraiment à calquer du sens sur un biopic, donc ça, c'est chouette. Et il arrive à créer des segments qui sont... vraiment, on a des scènes qui sont extrêmement marquantes et que je trouve très réussies. Melvin, tu veux démarrer? J'ai beaucoup aimé aussi, parce que moi, l'esbrouf, j'aime ça. Et un peu long quand même, parce que... Combien de temps il dure? Beaucoup. Hein. 2h30. Voilà, bon, 2h40 même, 2h40. 2h40. Voilà, pour moi, c'est beaucoup trop. Hein. Pour toi, c'est 1h40 de trop. Ouais. Et maintenant, c'était un vrai plaisir, c'était intéressant. Et tout en, comme dit Alban, racontant une histoire, c'est pas l'intéressant, mais tu lis un livre, quoi. C'était vraiment sympa, il y avait une vraie histoire. C'est un vrai parti pris. Et oui, les acteurs sont formidables. Il y a des scènes marquantes, carrément. C'est des scènes de chansons, une ou deux, qui restent en tête longtemps après. À moi ? Ouais. Écoute, je vais rejoindre. En sortant de la salle, j'étais un peu mitigé. Je trouvais, comme dit Alban, c'est que Baz Luhrmann, j'adore Moulin Rouge. Je trouve que Gatsby, que j'aime beaucoup, hein, mais c'est pas mal d'esbrouf aussi. J'ai pas vu tous ses films. Mais Elvis, en sortant, j'étais un peu mitigé. Je trouvais qu'il y avait pas mal de fausses bonnes idées ou autres. Mais le film est étonnamment resté aussi. Et pourtant, je suis loin d'être le plus grand fan d'Elvis. Mais il m'est pas mal resté, il y a pas mal de trucs où, à la réflexion, je me disais « Ah, ça, c'est bien vu, ça, c'est vraiment chouette, ça, c'est cool d'avoir mis ça comme ça. » Donc, non, vraiment très, très, très bon film, et surtout, comme Alban l'a si bien résumé, mais sinon, Alban, ce génie, c'est un biopic qui a un point de vue, c'est-à-dire que le biopic Wikipédia, c'est un peu comme les films historiques sans recul. C'est ultra cringe, je trouve, en tout cas. Genre, je sais pas si vous avez vu World Trade Center de Oliver Stone. Ou Notre-Dame brûle. Notre-Dame brûle. Tu me l'as tellement bien vendu que je ne l'ai toujours pas vu. Hein. Ah mais mec, la bande-annonce de Notre-Dame brûle, je veux dire le credo des pompiers en fond, mais c'est chef-d'œuvre cette bande-annonce, c'est absolument incroyable. Non, honnêtement, Elvis, j'ai trouvé ça très cool. Comment ? Une statue qui pleure. Ouais, hein, ça, on juge pas sur les bandes-annonces, on n'a pas le contexte. Il y a que Coco qui peut râler dessus. Ah, je te jure que quand t'as vu le film et que tu vois la bande-annonce, c'est grandiose. Et non. Et donc en fait, ce que j'ai trouvé notamment affreux dans le film, mais dans le bon sens, ce que j'ai trouvé vraiment dramatique, c'est comme l'a dit Alban, ce côté tragique où c'est quasiment une logique d'horreur dans le sens où ça va mal finir. On sait que ça va mal finir parce que sans spoiler, les trois premières minutes t'annoncent la fin. On sait que ça va mal finir, on sait même comment ça va mal finir, et maintenant, tu assistes juste à la mise en route sur une autoroute sans s'arrêter, à vitesse libre, du parcours d'Elvis, en fait. Et la prestation d'Austin Butler, elle est juste dingue. Je veux dire, vraiment, je l'ai trouvé hallucinant dans le film. Il est fantastique, et il y en a beaucoup qui ont parlé du mimétisme de voix sur les chansons. Bon, et sachant que là, c'est un petit peu retouché, évidemment, mais moi, je le trouve encore plus brillant sur la voix quand il parle. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui marche très, très bien. Et même physiquement, il y a un truc. Enfin bref, vraiment, sa perf est folle. Et Tom Hanks en bad guy, ça marche. Il faut le refaire. Bien. Il faut le refaire. C'est vraiment. Donc voilà, est-ce que c'est le meilleur film de Baz Luhrmann? Je suis encore en train d'y réfléchir par rapport à Moulin Rouge. Et mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé aussi ce Elvis. Et un petit truc en plus sur la VF. Je suppose que l'idée en VO. Oui. Oui. La VF de Tom Hanks, malgré tout mon amour pour le doubleur, est atroce parce qu'il y a une espèce d'accent de je ne sais où, d'Irlande, de Hollande, Pays-Bas ou un truc, ouais, voilà. Qui, mais des fois il l'a, des fois il l'a pas, c'est très bizarre. Ah, par c'est contre, génial ça. Austin Butler est doublé donc par Marc Arnaud et ça fonctionne super bien parce que quand il a quasi la même voix que quand il chante. Ah, oh, génial. Et quand, du coup, les transitions fonctionnent super bien. Il y a une légère différence quand même parce qu'on peut pas faire à l'identique, mais c'est très minime. C'est pas comme La La Land, quoi. Où dans La La Land, tu fais, ils sont pas la même voix quand même. La La Land, tu hausses un sourcil gentiment, genre, pardon. Voilà. Alors que là, non, la transition se fait vraiment bien. Il y a quasi la même voix et c'est. Ok, bah super. Et donc, Melvin, toi, de quel film tu veux recommander maintenant? Mais c'est à toi, Corentin. Tu veux... C'est à toi, Melvin. Ok, c'est à moi. Désolé, moi, je suis perturbé par Angry Birds. Non, j'ai parlé d'un film un peu beaucoup moins connu, Thin Ice, de je ne sais pas qui, c'est très trop inconnu, de Jill Sprecher. Et en gros, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans les assurances, qui arrive chez un vieux et décide de l'arnaquer. Il trouve qu'il a c'est un violon qui vaut 1 million, et sauf que le vieux, il veut s'en débarrasser, donc il veut lui voler le violon. Et c'est toute une histoire d'arnaque, ça a un air très Fargo. On peut le voir, de toute façon, ça se passe dans un décor enneigé, comme Fargo. Et l'affiche a un côté petit meurtre entre amis. Ouais, voilà, mais ça ressemble vraiment à une vibe Fargo. Même la série Fargo, la première saison, c'est le même genre d'univers. Et ça se suit très bien comme film, c'est vraiment... C'est léger, c'est l'humour très noir, et le scénario est vraiment pas mal. C'est pas une grosse arnaque, dans le sens, c'est juste un vol de violon, mais... J'ai passé un super moment devant et c'est trop peu connu. Et les acteurs sont super sympas. C'est ceux de Little Miss Sunshine, du coup, le père et le grand-père. Ouais, Greg Kinnear et il y a David Harbour, je suis en train de voir. Oui, au bout d'un petit rôle. Et Alan Arkin, du coup. Je ne l'ai pas vu. Je ne connaissais même pas l'existence de ce film. Là, je suis tombé dessus dans un Cash Express en Blu-ray à 2 euros. Je me suis dit, allez, je tente. Question bête, mais tu sais de quand date le film ? 2013. Ah bah écoute, bah c'est... Ouais, c'est... Bon, pourquoi ? Parce que je me disais, Petit meurtre entre amis, peut-être qu'il était dans la vague. Bah écoute, je connaissais pas du tout. Et alors, c'est pas le film du siècle, mais ça se regarde très bien, et ouais, si ça peut se faire connaître un peu plus, ce serait cool. Bah écoute, j'essaierai de me le voir. Je sais pas si je le regarderai avant ou après Angry Birds, parce que bon... Alors attends, sur Angry Birds, il y a les trois petits oiseaux bleus. Mais c'est pareil, ils font que des caméos, moi je suis triste. Mais putain, le multiverse, les gars. Il y a le caméo de Terrence, le gros énorme rouge, et ça quand même, on dit pas. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que les oiseaux ont des noms ? Mais bien sûr, ils ont tous des noms. Comment s'appelle l'oiseau jaune ? Chuck. Oh putain, ils ont vraiment tous des noms. Ça fait depuis longtemps, rien à voir avec le film. Bah écoute, merci beaucoup. Moi je vais aller sur un film... connu, sorti, alors je vais essayer de vous le faire deviner, c'est pas dur, vous inquiétez pas, c'est pas dur. C'est un film sorti en 2010, réalisé par le réalisateur d'un des gros gros blockbusters de cet été, mais vraiment le blockbuster qui a marqué cet été. C'est une adaptation de jeu vidéo, vous trouvez, pas de... Non. C'est avec Jeff Bridges. Ah bah oui, ici. Tu l'as ? Oui. Alban, tu l'as ? Je suis pas sûr. Et la BO est faite par les Daft Punk. Ah oui, si, d'accord. Et donc, je vais parler de Tron l'Héritage, Tron Legacy, que j'ai revu, je l'ai topé en Blu-ray à 2 ou 3 euros, je l'ai pris. Et mon avis a un peu évolué, je l'avais trouvé vraiment assez pourri la première fois que je l'avais vu. Et en le revoyant, j'ai réalisé qu'en fait, bah non, c'est pas incroyable non plus. Pour moi, il y a deux gros problèmes, mais il y a aussi des vraies qualités. Les deux gros problèmes perso, c'est le scénar qui vraiment est fade, est très très fade, et vraiment pas, bah, ne se tient pas, et l'acteur principal qui s'appelle Gareth Edlund. Gareth Edlund, et je dois admettre que je suis un peu plus Gareth Edlund sceptique quand même. Non mais oui, c'est normal, tout le monde l'est. Partout. Ouais, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas terrible. Mais à côté, il y a des qualités visuelles de fou malade. C'est-à-dire que les scènes dans la grille, donc c'est les scènes de jeux vidéo globalement, et même les décors en général, le travail des décors, le travail sur la lumière est assez exceptionnel. C'est réalisé par Joseph Kosinski, qui depuis a quand même signé Oblivion, qui était quand même vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Oblivion. Très bien. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Il a depuis réalisé Top Gun 2. Bon, on en parle rapidement, une minute, ce qui était quand même, enfin, personnellement en tout cas, un gros gros banger de cette année. C'était vraiment un film, je m'attendais pas autant aimé, j'ai vraiment adoré. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Oui, pareil. Tout pareil. Moi, je trouve ça juste sympa. Mais en tout cas, non, les scènes d'avion sont prenantes. Tout à fait. Non, il est très efficace. C'est un yes man, mais c'est quand même un yes man assez compétent. Il avait aussi signé Only the Brave, qui est un film de pompier qui est assez sympa. Et Spider-Head, que j'ai pas vu, mais qui a pas super réputation, lui, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup. Et je dis pas ça parce qu'il y a Chris. Et hop, on a placé Chris. Ça s'est placé, c'est beau. Je te tendais la perche, tu l'as attrapé et je t'en remercie. Mais non, donc voilà, Tron, c'est assez dingue. Et enfin, visuellement, c'est assez dingue. Et la putain de musique, quoi. Je pense que sur la musique, on est tous d'accord que c'est quand même. Bah, c'est fou, et qui a vraiment des scènes, c'est des clips. Donc, oui. Alors, j'ai pas vu le film, mais justement, j'écoute rarement des BO sans avoir vu le film. Tron, je suis tombé dessus par hasard à cause d'un mec qui l'a fait au piano. J'ai écouté toute la BO et elle tourne très, très, très régulièrement. Elle est magnifique. Voilà, la BO est assez folle. En fait, le film, c'est globalement un clip géant, très mitigé sur le scénar. Également, certains effets spéciaux. Je pense au rajeunissement numérique de Jeff Bridges qui a vraiment très, très mal vieilli, sale coup dans les dents. Et certains persos féminins un peu creepy quand même, c'est un peu creepy la façon dont c'est traité. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un film que il faut réévaluer. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus voilà, mais il mérite pas enfin je trouve en tout cas qu'il ne mérite pas le bashing qui s'était mangé lors de sa sortie parce qu'il s'était fait un petit peu déboîter quand même. Donc voilà, c'est si vous l'avez vu rapidement, Melvin. Mais Alban, du coup, tu ne l'as pas vu, tu viens de le dire. Alors moi, je vais être honnête, je l'ai vu au cinéma. Oh, ça, j'aurais bien aimé le voir en salle à l'époque. Le problème, c'est que bah, du coup, je m'en rappelle pas. Bah non. Parce que c'était à 2010, ça fait quand même il y a 12 ans. J'avais 10 ans, même pas. Mais la BO, peut-être, quand même. Et non, mais la BO, je l'ai réécoutée après, donc elle est très bien. Mais même, j'ai des souvenirs. Je sais qu'en sortant dans la salle, j'avais bien aimé. J'étais avec mon père. Mais je vais pas pouvoir détailler, quoi. Ok, je me rappelle juste pas que l'acteur principal, le charisme n'était pas présent. Et voilà. C'est vraiment le gros problème du film, c'est que le mec est une endive. Mais voilà, donc c'est vraiment Tron Legacy, c'est cool, et je souhaitais le réhabiliter rapidement sur ces ondes. Alban, à toi. Alors, moi, pour le suivant, pareil, c'est un truc qui est sorti en salle, mais parce que c'est une ressortie, et là, ce sera sûrement le plus vieux film de la sélection, puisque ça date de 1950, donc il y en a un qui va être content. Il s'agit de Rashomon d'Akira Kurosawa. Incroyable, chef-d'œuvre. Alors, voilà, je me doutais que il y en a un qui, il y en a un qui va plaire et l'autre un peu moins. Je suis la Kurosawa bitch. Hein. Moi, c'est Akira Kurosawa forever. Hein. C'est. Et ben, moi, figure-toi que c'était mon premier parce que Kurosawa, ça fait partie des gros auteurs dont je n'avais rien vu et voilà, c'était ma porte d'entrée. On fera aussi un épisode. Oui, j'espère. J'en ai plein à voir. J'en ai plein qui m'intéressent. Et donc, pour avoir un petit peu de contexte, Rashomon, donc, c'est tout simplement, en fait, suite à un meurtre, on va suivre l'audition des différents potentiels coupables ou du moins témoins de ce meurtre. Et donc, voilà, on va juste... en fait, le film, c'est vraiment, je ne sais plus combien il dure, 2 heures sûrement, ou peut-être 1h30, de gens qui parlent tout simplement de... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et c'est là que le film est très intéressant, en fait, parce que bah, tout simplement, on va suivre les points de vue des gens qui, évidemment, se contredisent tous. Et ça va être très bien utilisé, que ce soit dans comment s'intrigue le scénario, dans comment la réalisation illustre ça. 1h28 pour la durée. Oui, voilà, 1h28. Et vraiment, le film est très, très bon. Notamment, je sais qu'il y en a pas mal qui ont du mal avec les anciens films. Ça n'a pas trop vieilli. Surtout à part sur le démarrage où je trouve que le film en fait passe un peu de temps à nous expliquer que ce qu'on va voir est génial il vaut mieux nous le montrer. Mais à part cette introduction avec laquelle j'ai un tout petit peu de mal, je trouve le film vraiment très intéressant. Bon, évidemment, fondateur dans cette idée de point de vue qui s'oppose et vraiment très, très réussi, très, très bien tenu. Ça marche super bien, tout simplement. Bah écoute, je ne peux qu'approuver. C'est pas mon Kurosawa préféré, parce que je dois admettre que bon, certains, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je m'incline totalement face à la suprématie des 7 samouraïs, qui est un film que j'ai dû revoir, que j'ai vu deux ou trois fois seulement, entre guillemets, parce qu'il fait quand même plus de 3 heures. Mais Kurosawa, on a tendance à l'oublier, entre guillemets, pour le grand public, mais enfin. Ouais, Ran, Ikiru, Yojimbo, enfin bref, faut voir ces films, c'est vraiment les plus influents de l'histoire, de toute façon. C'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps, je veux dire. Ran, je sais pas, mais c'est juste dingue, vraiment. Et Melvin, je t'assure de quelque chose, autant les 7 samouraïs, tu peux être un peu réticent, noir et blanc, tout ça, autant Ran, ça dure que 2h40, entre guillemets. Wow. Mais je t'assure, c'est complètement dingue. C'est vraiment, vraiment assez exceptionnel, je trouve. Mais Ran, le souci, enfin, j'ai jamais vu parce que c'est des trucs qui m'intéressent. Mais Ran, l'histoire ne m'intéresse pas de base hein, non plus. Contrairement à Rashomon, où là, par contre, ça, sur papier, en tout cas, ça m'intéresse. Alors après, Alban a bien dit, c'est beaucoup de blabla. T'as pas beaucoup. Ça me dérange pas. Hein. C'est vrai que t'as aimé 3000 ans à t'attendre. Tu as aimé 3000 ans à t'attendre. Je ne comprends toujours pas pourquoi. J'aime beaucoup par exemple. Mais voilà, vraiment, Rashomon, c'est à voir. C'est vraiment, vraiment une folie. Quelque chose à rajouter ou Melvin, tu veux y aller? Non, ça me rend curieux. En plus, 1h28. Voilà. Parfait pour toi. Non, ça me rend vraiment curieux. Le pitch me plaît. Bah écoute, donne-lui sa chance. Peut-être que ça pourrait être. Je pense que t'auras un peu de mal. Parce que ça a bien vieilli pour les années 50, mais ça reste les années 50. C'est du noir et blanc, ça parle. Enfin, je ne demande qu'à avoir tort, hein, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Après, c'est un super noir et blanc. Ah oui, non, globalement, la photo est très réussie. Hein. Et en plus, du coup, oui, il a eu pas mal de restaurations, vu que c'est un film important, donc les copies sont... En tout cas, moi, la copie que j'ai vue en salle était vraiment de bonne qualité. Je confirme, j'ai vu la même il y a quelques jours et non, c'est toujours aussi grand. Melvin, à toi ? Eh bien, je vais rester à l'animation. Non, ce n'est pas Angry Birds 3, il n'existe pas encore. Avec le magasin des suicides. Pardon ? Ouais. Il faut parler un peu. Alors, comment tu t'es retrouvé devant en fait? Alors, c'est une longue histoire. Non, c'est que j'étais fatigué, je voulais voir un film court, en fait un peu comme d'hab, quoi. j'étais chez les parents de ma copine et elle me fait attends, je regarde ce que j'ai en DVD dans les siens. Et que l'idée d'animation quand t'es petite, elle me sort le magasin des suites. Je fais attends, mais t'as ça. Quand t'es petite, elle fait ouais, c'est mes parents qui l'avaient acheté. Du coup, je l'ai regardé. Et j'étais très surpris en fait. C'est pas incroyable encore une fois. Tu sais qui l'a réalisé? Oui. Oui. Tu en diras quelques mots. oui. Allez. Mais non en fait c'est. Je trouve ça innovant on va dire. C'est pas tous les jours qu'on voit des films d'animation comme ça avec une belle animation en plus. C'est un peu redondant genre les musiques t'as l'impression d'écouter la même 15 fois, donc c'est un peu ennuyant, mais après, non, j'aime beaucoup le ton du film et ce que ça propose. Et c'est pas un film que je recommande forcément, mais c'était une super découverte en gros. Voilà. Bah écoute, Alban, tu l'as vu? Alors, je l'ai pas vu, mais à l'époque, j'avais vu passer 2-3 trucs quand tu l'avais vu. Ça m'appelle bien, ça m'appelle vraiment, enfin, ça me tente bien. Et l'animation a l'air vraiment jolie. Ça pourrait être clair. Il y a un côté Burton 2D creepy en fait. Ouais, genre ils chantent sur des gens qui se suicident. Moi déjà. Oui, moi déjà je chante, donc ça m'arrive. Et tu pourrais donner peut-être le nom du réal et ce qu'il a fait d'autre. Oui, Patrice Lecomte. Bon, en vrai, à part Les Bronzés, le reste c'est pas con. J'adore Les Bronzés 2. Moi Les Bronzés 2, j'adore. Mais après, bah voilà, c'est tout. Les Bronzés. Les bronzés 2. Il n'y a pas de bronzés 3, ça n'existe pas. Non, les bronzés 3, ça dégage. Mais après, pour le coup, Alban, t'attends pas non plus à un chef-d'œuvre. Hein. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un petit bonbon. C'est assez, voilà. Assez gentil, ça se fait tranquille. Ok. Ça sera plus qu'Angry Birds 2. Je vous propose un tout dernier tour, si ça vous va, ou si vous voulez plus, comme vous voulez. Alors attends, ça vient de couper pour moi, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Je propose un dernier tour de reco, ou plus, en fonction de comme vous voulez. C'est... Ça va bien, deux. Deux, pas de soucis. Alors, moi les gars, ça va être un petit peu short en temps. Bon ben, un alors. Et on avait dit une heure, non? Ouais, ah. Il y a une heure, mais c'est pour ça que je proposais un tout dernier tour. C'est... Ok, bah go pour un tout dernier tour. Avec quitte à ce qu'on fasse à la fin un tour à deux, mais pas de soucis. Donc moi, en tout dernier, ce que je... Enfin, on approche de la conclusion. C'est pas un truc underground, je vais lancer le pavé dans la mare en parlant de Everything Everywhere All at Once. Parce qu'il fallait bien le placer quand même. Je l'ai vu deux fois, je l'ai vu une fois lorsqu'il avait tourné, j'avais pu le voir et ensuite je l'ai revu en salle. Et que dire qui n'a pas été dit, c'est complètement ma boule, ça arrive à être très très généreux dans ses idées avec une profusion qui peut déstabiliser, mais qui a toujours un sens, qui arrive toujours à être percutant, à être pertinent je trouve, et que tout peut avoir un sens, c'est-à-dire la moindre blague peut avoir un sens, le moindre cut peut en avoir un, le moindre objet dans le cul, ceux qui l'ont vu aussi oui, peuvent... Effectivement, qui donne lieu à une magnifique scène d'action quand même. Vraiment, c'est... Après, ça peut perdre un peu. Moi, je ne suis pas non plus émotionnellement investi à 100% dans le film, c'est-à-dire que... Ah, moi aussi. Mon investissement émotionnel va et vient avec le film, et... Mais ouais, il y a quelque chose. C'est Les Daniels qui avait réalisé Swiss Army Man, qui super film, qui était quand même assez assez dingue. Bah, c'est une force de frappe sur qui on peut compter. Je suis loin d'être fan de toutes les productions A24 et je suis très loin d'apprécier leur politique. Mais attends, le Elevated Genre, oui, ça dégage. Je savais que tu parlais de ça. Non, mais ça dégage. Mais voilà, là j'avoue, je me suis incliné face à ça. Je suis pas non plus aussi convaincu que d'autres, où j'ai vraiment vu des avis comme quoi c'est le meilleur film de tous les temps et autres. Non. Mais c'est grand, c'est très très fort. Et bah, ça fait du bien. Et me dire que ça est sorti quelques mois après Doctor Strange Multiverse of Madness, la blague a été faite plein de fois. Mais ouais, quoi, au bout d'un moment, voilà. Et puis, dernier truc promis, après je vous laisse. Michelle Yeoh, qui est une actrice que j'adore et qui là, dans le film, trouve un rôle assez exceptionnel. Jamie Lee Curtis, qui a un rôle... incroyable. C'est le meilleur rôle. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire son meilleur, mais qui est quand même très, très bas. C'est Jamie Lee Curtis, quoi. Et Kiwi Kwan, qui avait arrêté sa carrière, manque de rôle à sa mesure, et qui, là, revient au cinéma avec ça. J'avais quand même un truc, il revient au cinéma avec ça, et la saison 2 de Loki. Hein. Ouais, bon, même... ok. Voilà. Hein. Mais voilà, je suis très très fan de Michelle Yeoh, vraiment, qui a été une actrice phare du cinéma de Hong Kong. Et Kiwi Kwan, bah, qui est un acteur qu'on aime quand même beaucoup, je veux dire, 2001 de Indiana Jones et les Goonies. Et bah, c'est une immense déclaration d'amour à ces deux acteurs. Vraiment, c'est un film qui leur dit « je t'aime » 70 fois par seconde. Et bah voilà, c'est grand, c'est assez magnifique, je suis bien obligé de l'admettre. Et puis voilà, qu'est-ce qui n'a pas été dit dessus finalement ? Alban, je sais que tu es d'accord avec moi et j'ai envie de te laisser y aller. Ou pas. Désolé, j'étais en train de... T'inquiète. Désolé, je toussais comme un porc. Alors, ok, je repars. Donc oui, moi j'ai été vraiment très, très séduit par le film. En fait, je l'ai vu un peu tard. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu jour de sortie, je ne sais plus à combien de temps après. Mais... Donc, et puis même, globalement, le film est sorti tard en France, donc on a eu des retours monstrueux. Voilà, le meilleur film de tous les temps, incroyable, machin. Et donc forcément, tu y vas en te disant, bon, j'y vais, mais je sais que ça ne va pas être aussi incroyable que ce que les gens en disent. Bon, et en fait, je me tais, j'ai pris ma claque comme tout le monde. Donc oui, le film marche très très bien. Il t'agrippe dès le début, il est super. En fait, là où déjà je le trouve vraiment brillant, c'est en termes de ton. Il fait un mélange entre humour et sérieux que je n'ai jamais vu. Tu faisais une certaine blague par rapport à une certaine scène, mais par exemple, cette scène de combat avait tout pour vraiment être ridicule, puisque c'est le principe, mais ils arrivent quand même à inculquer du sérieux. Et oui, globalement, ils font toujours un Y entre sérieux, rire. Il y a des fois, ça riait dans la salle à des moments où moi, j'étais très pris émotionnellement, et pourtant, ça c'est jamais gênant. On n'a pas l'impression que le film ne sait pas sur quel pied danser. Il y a vraiment, de manière générale, quelque chose dans la rythmique qui est très, très bien tenu. Et derrière, il arrive à lier un propos qui marche très bien avec une forme qui est géniale. Le film est très, très dense. Mais pourtant, je suis allé le voir avec des amis à qui ça a beaucoup plu, alors qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'aller voir ce genre de film. Il est très grand public, j'ai l'impression. Et, après, il peut déstabiliser quand même par sa profusion dans tous les sens. Vraiment, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de trop. Et même avant que le film parte sur le délire multivers, dès le début, en fait, moi, j'ai su que ça allait me plaire dès vraiment la scène d'intro, où en une scène, on te fait comprendre toute la charge qui pèse sur les épaules de la mère. Et il y a Michel. Et il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant en termes de réalisation. Sur, ça monte, t'es sous pression. Et en fait, dès le début, tu sais que ça va marcher et il y a quelque chose de superbe qui s'en dégage avant même que le concept n'arrive. Donc il y a vraiment quelque chose dans le film que je n'arrive pas à expliquer qui fait que ça marche aussi bien. Mais il est très très drôle, il arrive à nous prendre émotionnellement. Donc globalement, c'est pas mon film préféré de l'année, mais ça marche extrêmement bien. Ça marche vraiment très bien. Et toi, Melvin ? Moi, je pose un petit bémol quand même. Parce que c'est excellent, j'ai adoré tout ça, je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais je trouve qu'il y a quand même un ventre mou très... Quoi ? Pardon ? Mais, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et, non, t'inquiète, c'est juste le goût. Je suis pas le seul à penser ça, je l'ai déjà vu ailleurs, cet avis, c'est qu'il se passe des trucs et il y a des moments très... Tu penses à partir de quelle scène ? Quoi, sans trop en dire, mais on verra bien. C'est pas un truc précis, c'est un ressenti en fait. À la fin du film, j'étais ouais, mais quand même, il se passe plein de trucs au début, après il se passe plus grand chose, et la fin s'étire. Et ce qui fait que je suis dans tout le film et tout, mais arrivé à la fin, je me dis ouais, mais j'ai trouvé ça long. Enfin, pas long, j'exagère, mais j'ai trouvé ça pas aussi rythmé que ce que ça laisserait prétendre. Et, je peux comprendre. Je comprends vraiment pas pour le coup. La scène avec... est-ce que tu penses à toute la scène de discussion autour d'un célèbre morceau de pain ? Oui, mais c'est vraiment... C'est pas un truc précis, c'est plus un ressenti que vraiment un ventre mou. Ok. Mais voilà, c'est pas gênant, ça me dérange pas, c'est juste le ressenti que j'ai à la fin. Et voilà. Ok, mais donc voilà, j'ai lancé le pavé dans la mare pour Everything Everywhere All At Once. Et donc, Alban, c'est à toi. Alors moi, ça va être... En fait, je me suis trompé. Ce n'était pas que des recos sales pour la fin, puisque c'est un film que je n'ai pas pu voir en salle. Je serais curieux de le voir en salle. Il s'agit de Planète Interdite de Fred M. Wilcox, sorti en 1956. Donc, de nouveau, Melvin va être content. J'étais pas né, moi. Et donc, c'est un petit film de SF. Enfin, petit film important, mais qui est à voir maintenant. Et vraiment, un petit film de SF tout mignon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Avec une affiche absolument géniale. J'adore l'affiche de ce film. Avec une affiche géniale. Et en fait, globalement, pour le pitch, on est sur du classique. Hein. C'est un équipage qui est envoyé sur une planète inconnue, une planète interdite, sur laquelle, en fait, ils sont envoyés pour essayer de trouver des survivants d'une mission scientifique qui a été envoyée auparavant et dont on n'a pas eu de nouvelles. Et donc, ben, voilà, ils vont y arriver, être confrontés à certaines choses. C'est un film qui, notamment, est surtout connu pour la présence de Robbie le robot, qui est un petit robot un peu moche, mais tout mignon. Et non, globalement, c'est... Robbie le robot. Pardon ? Il est trop cool, Robbie le robot. Il est génial, Robbie le robot. Oula, il est génial, Robbie le robot, donc. Et globalement, ouais, le film a vraiment ce charme fou. Enfin, je sais que moi, j'aime beaucoup voir des petites anthologies de SF, ou des, par exemple, les vieux Star Trek, ça me plaît beaucoup. Et en fait, voilà, un concept un peu sympa, et dessus, on y met un film qui, en tout cas, à première vue, est classique. Derrière, c'est aussi quelque chose qui me plaît, c'est que quand on gratte un peu sous la surface, et notamment quand on avance dans le film, il y a des choses sympas qui apparaissent. Et en fait, voilà, le film, c'est vraiment un petit plaisir. Il a ce charme fou. Bon, après, voilà, si vous n'êtes pas client, ça, pour le coup, par exemple, pour Melvin, ça a bien sûr vieilli. Mais il y a des jolis décors. On a des acteurs qui arrivent vraiment à faire vivre leurs personnages. On a des concepts de SF qui sont très intéressants. C'est intéressant de voir à quel stade c'était dans les années 50, comment c'est maintenant. Et même en termes de fond, il y a vraiment quelque chose qui, évidemment, c'est un petit quelque chose, mais un petit quelque chose qui donne toute sa saveur au film, je trouve. Je viens de voir qu'il y a Leslie Nielsen dedans. Ça me rend très curieux. Bah, personnellement, j'approuve chaque mot que tu dis, c'est-à-dire que c'est un film qui est très mignon. Et alors, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il a bien vieilli ou pas, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, que je serais très curieux de revoir d'ailleurs. Mais voilà, moi, c'est un film que j'aime vraiment bien et que je trouve vraiment, vraiment chouette. Mais voilà, après, pas grand-chose non plus à en dire. C'est un. Mais juste, voilà, c'est un petit bonbon, ça se regarde vraiment bien. Melvin, à toi? Et je vais terminer sur de la série pour changer un peu. Très rare que je vois des séries, c'est très rare que j'en parle, mais j'ai regardé la première saison d'American Horror Story que j'ai mangé, littéralement. Et voilà, c'était vraiment super. Moi qui suis pas un grand fan de l'horreur de fantômes et compagnie, ça m'a pris. Au départ, je regardais ça à Histoire 2. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Enfin, la chanson, j'étais fatigué, un truc court. Voilà. Et non, j'étais pris d'un truc, j'ai enchaîné les épisodes, vraiment super acteurs, super histoire et super ambiance. Je suppose, Corentin, tu l'as vu? Alors, moi, American Horror Story, je suis ultra client de la série. T'as vu que la première saison, du coup, c'est ça? J'ai commencé la 2, mais oui, du coup, là, c'était que la 1, enfin, je vais enchaîner les autres. Mais pour Eh le ben, moment, oui. écoute, je vais pas trop t'en dire, mais tu verras, il y a vraiment des saisons assez barges. Moi, j'aime énormément Asylum, Freak Show et Cult et Hôtel. Donc, du coup, c'est la 2, la 4, la 5 et la 7, si je dis pas de bêtises. J'ai la liste sous les yeux, donc après, je ne me suis pas trompé. Et tu verras, il y a vraiment un sens de l'iconisation de ces personnages et de ces méchants, notamment avec le putain de clown. Tu verras de quoi je parle. Mais j'aime pas les clous, je ne veux pas Ah, voir bah, celle-là. t'inquiète pas, lui, il va bien te marquer. Mais vraiment, Ah. c'est très très cool. C'est Ryan Murphy qui a démarré American Crime Story et American Horror Stories, qui est une autre saison. J'ai pas encore vu la 10. Qui est ce qui paraît un peu en deçà, mais non, c'est vraiment je suis très client d'American Horror Story et même des saisons un peu en dessous, je trouve. Toujours, ce n'est que mon avis, mais comme Coven qui est, je trouve, à moitié réussi et Roanoke qui galère quand même un peu, et Apocalypse, elle est vraiment pas terrible. La 8, bah, même dans les saisons que je trouve vraiment moins bonnes, t'as toujours quelque chose à gratter et, qui ressort un peu. Donc non, écoute, bah, c'est cool que tu t'y sois mis et bah, j'espère que la suite te convaincra pleinement. Alban, tu as vu un ou deux épisodes ou pas du tout? Aucun, je regarde pas de série. Mais Ah, ok, bah pas de pas de souci. série, je sais que t'aimes pas l'horreur, enfin de ce style, enfin t'es comme moi quoi, mais si un jour t'as l'occasion, essaye, c'est vraiment prenant. Et pour le coup, toutes les saisons ont pas beaucoup d'épisodes. Non. C'est Enfin toujours 12 hein, en. quand même. Oui, mais tu vois, par rapport à d'autres saisons où vraiment ça s'étire, là pour le coup c'est toujours un peu plus tranquille. Là, il me semble que la saison 1 c'est 12 et à chaque fois c'est une douzaine d'épisodes et c'est des histoires indépendantes, donc ça peut se regarder. Enfin, pour la plupart il y a des théories et tout ça, mais vraiment ça se regarde vraiment bien. Et donc voilà, on a fini là-dessus. Vous avez quelque chose à rajouter? Alban, tu dois y aller du coup, il me semble. Ouais. Melvin, tu veux finir sur un ping-pong ou on arrête là? Ouais, si tu veux, j'ai une demi-heure. Eh bah écoute, Alban, on te dit au revoir. Merci beaucoup pour l'épisode et on a Ben, très merci à hâte. vous. Tranquille. Et on a très très hâte de te retrouver pour la suite des aventures, tout simplement. On a le Versus, la suite des filmos qui arrivent. Tu nous rejoins avec grand plaisir. Peut-être pas pour Et le ben ouais. MCU, mais tu seras Ben. avec nous pour la suite. Normalement, J'avais oublié effectivement. qu'on n'avait pas fini le MCU. Ouais, On leur mec, ouais, t'es au courant qu'en plus, vu ce qui a été annoncé, on l'aura jamais fini. Hein, c'est. ouais. Je vous souhaite bien du courage. Ah Non, bah mais moi, écoute, moi, je depuis la dis scène de Twerk, un truc. vas-y. On abandonne les séries. Moi, je me contente que des films. C'est fini. Hein. Moi, dans un souci d'exhaustivité presque maladif et inquiétant, je l'ai fait quand même. Mais depuis la scène de Twerk de She-Hulk, que je remets en cause beaucoup de choses. Non, l'épisode d'après n'était pas si mal. Hein. Ah ouais? Je l'ai pas Oui. encore vu. En fait, j'avoue qu'honnêtement, la seule intelligence que je donne à She-Hulk, c'est comment les épisodes font 30 minutes. Ce qui est une qualité pour ce genre de série. Mais donc voilà, Alban, on te fait plein de bisous et on te dit à la prochaine fois. Eh ben écoutez, à la prochaine fois, j'ai hâte d'y être. Salut, Soigne-toi salut! bien. Salut! Donc Melvin, si on est enfin seul maintenant. Est-ce que tu veux démarrer pour en donnant les recos un peu sous liste ou on fait en ping-pong? Ça va pas être forcément des recos, mais des films que j'ai vus et dont on peut parler ensemble. Eh ben vas-y avec ça. Genre Cabin Fever. Let's go! Alors, vas-y, dis-nous tout. Pourquoi est-ce que ce film est génial? Dois-je vraiment dire pourquoi je l'ai regardé un soir où j'étais fatigué? Parce que c'est court et parce que c'est gore. Non, je pense Cabin Fever, en plus, c'était de Eli Roth. Je me suis dit, je crois que j'en ai pas vu de Eli Roth. Je fais que voir ses films se faire défoncer souvent. Mais j'en ai jamais vu. T'as pas vu Les Hostels? Non, je crois que j'ai rien vu de lui. J'ai pas vu Green Inferno non plus. Je crois que c'est de lui. C'est pas un grand réel. Non, voilà. Mais bon, je me suis dit, il faut voir que j'en vois un. C'était sur Prime Video, j'ai lancé. Et non, j'ai bien aimé parce que moi, tu sais, je mets un groupe de jeunes qui sont tués un par un. Moi, je sais pas, ça me fascine. C'est comme ça. Je suis un peu psychopathe. Ouais. Et mais le problème que j'ai avec le film, c'est que oui, c'est très bien fait. C'est pas trop mal filmé. Les effets gore sont vraiment super. Je suppose que c'est du prosthétique. Et, oui, c'est du rock. Mais par contre, les personnages sont vraiment débiles, quoi. Bon, on n'est pas sur du Saw 5 non plus, mais bon, je ne vais pas me raser les jambes au rasoir alors que ma peau est en train de s'enlever. Non. Bah, j'ai... Non, je ne vais pas aller tirer sur des écureuils, puis tirer sur un mec et faire « Oh, bah, c'est pas grave. En plus, il a l'air malade, mais je m'en branle. » Non. Mais à part je ça, te non, c'est super un bon méchant moment, avec ce film. Non, moi, pour le coup, parce que alors, ça, Eli Roth, c'est pas un réal vraiment que je porte très haut dans mon cœur. C'est-à-dire que j'aime bien Hostel 2, je suis plus mitigé sur Hostel 1. Green Inferno, j'aime bien, mais je trouve ça un peu chiant. Knock Knock, ouais, voilà. Son film avec Jack Black, je l'ai vraiment pas trouvé terrible. La prophétie de l'horloge, je sais même pas que c'était ouais. Lui. Si, c'est lui. Mais Cabin Fever 1, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Il a un côté complètement con. Et vraiment très, très généreux. C'est-à-dire que c'est très, très gore. Vraiment, c'est très... Ça charcute. Mais après, c'est un petit bonbon. Tu vois, je pense que tu l'as vu dans les bonnes conditions. T'es fatigué un soir. T'as pas envie de te faire chier. Tu regardes ça. Voilà. Et pour le coup... Après, c'est bien filmé et tout. Hein. Et si tu viens pour voir du gore, t'es servi en termes de violence. Hein. Ouais. Et moi, ce que je recommande vraiment, pour le coup, je recommande rapidement quand même les suites, notamment le 2. Le 2 qui est réalisé par T. West, ce qui m'offre un pont doré pour ma reco suivante. T. West, qui est un réal que j'aime vraiment beaucoup, qui a fait X, sorti là récemment avec Jenna Ortega, The Innkeepers, qui a fait un segment de ABC of Death. Et qui là, a compris que pourquoi le 1 avait été vu, à savoir sa violence, et a poussé les curseurs à 15. C'est-à-dire qu'en plus d'être très violent, il a eu l'intelligence de mettre ça dans un contexte de lycée, où c'est des jeunes lycéens, ce qui fait que la connerie est un peu excusée, entre guillemets, parce que je trouve que le film a un côté film de Spring Break, tu sais, tous les films des jeunes qui partent en vacances. Oui, oui. Version dégénérée gore. Donc voilà, c'est ça. Après, sur le 3 est vraiment beaucoup moins bon. Il est un peu chiant quand même. Il y a toujours des effets spéciaux vraiment beaux, mais je le trouve vraiment, vraiment un peu chiant quand même. Il y a une scène qui est vachement bien sur une plage où deux femmes se battent et en fait s'arrachent des membres. Du coup, étant donné qu'elles sont toutes les deux contaminées, du coup, les deux filles se battent et ça. C'est vraiment dégueulasse, mais bon, voilà, si on est client. Mais après, pour le coup, le remake, c'est une grosse merde. Mais vraiment, le 3 et remake, non. Surtout que le remake repompe le 1, le gore en moins. Le remake, il est fait quoi, 10 ans après? C'est si peu. Ben, le 1 date de 2002, le remake de 2016. Ah oui, ouais. Enfin, quand même, ça fait... Ouais, donc c'est short. Mais donc là, pour le coup, c'est... voilà, moi, je t'invite à voir le 2, si tu veux. Revois-le dans les mêmes conditions. Et c'est voilà. Et reco rapide. Attends, juste fait. Vas-y. J'ai pas pu empêcher en regardant le film, j'avais dans la tête La Cabane dans les bois. Je comprenais mon inspiration voilà. De ce film. Et tu vois, c'est typiquement ce genre de film qui reprend. C'est surtout Evil Dead. Mais là, c'est les jeunes qui vont dans les cabanes, etc. Ouais, après, j'ai pas vu Evil Dead, c'est pour ça. Mais j'étais ah oui, je comprends maintenant. Et je me dis que Evil Dead, quand tu vas le voir, tu vas kiffer ta race. Donc. Non, sûrement. Donc voilà, mais bon, vraiment, moi, c'est une saga pour laquelle, surtout le 1 et le 2, j'ai une grosse sympathie. C'est pas parfait, mais tu vois, franchement, tu le mates avec tes amis, une pizza, tu vois, c'est le film, tu peux le sortir. Si t'as des potes un peu goreux, tu sais que ça va plaire. Voilà. Et attends, c'est dans le 1 ou dans le 2 qu'il y a un mec qui se fait bouffer par un chien ? C'est pas un mec, c'est une fille. Ça, c'est une fille, pardon. Mais après, aussi, détail amusant dans le 1, détail connu, mais c'est dans le 1, c'est bien dans le 1, du coup. Oui. Ouais. Et détail amusant, aucun personnage ne meurt à cause du virus. C'est un truc un peu connu, mais voilà, c'est à cause de là où, alors que dans le 2, ça y va. J'ai pas réfléchi à ça, et oui, effectivement, donc tu le dis. Du coup, tu peux te faire un petit peu, tu peux réagir un petit peu comme ça. Mais voilà, et donc pour le coup, sur le réel, donc T West, ça me permet de rebondir pour aller vers un autre de ces films que j'ai vu pendant les vacances, qui est House of the Devil, qui est un... Il est sur Shadows, lui. Il est sur Shadows, qui est un film qui est un slow burner. C'est-à-dire que le film est pas très très long, il dure à peu près 1h30, mais il démarre très lentement. Il démarre très lentement, c'est-à-dire ça te pose le personnage, ça te pose ce qu'elle fait, etc. Puis, ça va twister. Ça va twister dans ces 20-30 dernières minutes à peu près. Pour devenir autre chose, c'est pas très très gore, c'est pas très méchant, mais il y a de la mise en scène. Il y a de la mise en scène, et surtout, c'est un film qui date de 2009, qui veut faire film des années 70-80, et qui y arrive. Parce qu'il y a le grain d'image qui est là, il y a les mêmes plans de caméra qu'on pouvait retrouver, il y a des tenues qui font belle qui correspondent à l'époque, il y a une ambiance vraiment bien et il y a un vrai savoir-faire. Pour moi, c'est pour ça que T West, je sais pas, c'est vraiment un réal pour qui j'ai énormément de sympathie. House of the Devil, je sais pas si tu seras vraiment fan, parce que comme j'ai dit, c'était surtout son premier deuxième film. Il avait fait un truc avant que je ne connaissais pas, qui s'appelle Trigger Man, visiblement. Mais voilà, je sais pas si t'aimeras, parce que c'est un peu lent, comme j'ai dit, mais il y a un truc vraiment qui s'en dégage, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, aujourd'hui, il a quand même passé le cap, et X, tu l'as vu, X, ou pas encore? Non, toujours, je le vois. Mais t'as vu, il sort en France, finalement, sur OCS. Sur OCS, donc il est distribué, quand même. Mais voilà, X, c'était vraiment très, très cool. Et donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, House of the Devil, c'est sur Shadows. Ne vous attendez pas à un truc très énergique, ça ne l'est pas. Mais si vous voulez voir un truc qui sait faire genre d'une époque et pas juste avec une playlist, je dis pas ça méchamment, mais un peu quand même, c'est vraiment très très convaincant. Il y a quelque chose, c'est pas toujours bien écrit, mais vraiment c'est sauvé par sa mise en scène que j'ai trouvé assez, assez admirable, tout simplement. Et toi, du coup, vas-y, reco suivante. Eh bien, je vais terminer ma dernière reco avec Super Hero Movie. Non, je déconne. Avec War Dogs, que j'ai vu avant-hier. De Todd Phillips. Ouais. Qui, je crois d'ailleurs, le Todd Phillips, je me demande si je ne les ai pas tous vus, du coup. Non, il m'en manque encore 3. Donc, ouais, War Dogs que j'avais en Blu-ray, qui traînait. Que j'avais chopé en 4K à 5€. Et non, c'est ce. Au départ, j'ai peur d'un Lord of War Beast, tu vois. Parce que quand même, le pitch ressemblait beaucoup. Et non, pas du tout. Todd Phillips, après, on voit ça avec Joker ou Very Bad Trip, même si c'est deux tons différents, c'est que les deux sont très bien filmés et ça se ressent là aussi. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire et la mise en scène, en fait. C'est pas incroyable non plus. Je pense que il va pas me rester en tête pendant des années non plus. Mais ça fait le taf, ça fonctionne très bien, les acteurs sont top. Cœur sur Jonah Hill. Et voilà. Et Ana de Armas, hein. Toujours. Pour le coup, je suis un peu moins fan. Je suis un Jonah Hill sceptique, vraiment. C'est pas quelqu'un que j'aime voir, et il est dans Superbad, qui était vraiment dur quand même. Mais Jonah Hill maintenant, moi, j'aime bien. Jonah Hill depuis 21 ans, Wall Street et tout ça. Il a su se refaire une carrière. Todd Phillips, j'ai toujours trouvé que c'est globalement Yes Man. C'est un bon Yes Man. Oui, c'est. Voilà, après, je lui trouve pas une grosse patte. Mais War Dogs, c'est cool. Je suis pas loin de penser que c'est peut-être un de ses meilleurs films. Moi, je suis très fan de Very Bad Trip 1. moins des suites, mais voilà. Et Joker, non, pas trop perso. Et donc voilà. Et puis le héros s'appelle David Pacouz, et moi je trouve ce nom incroyable. Voilà. Et il y a Miles Teller aussi dedans, non? Bah oui, c'est lui, c'est le héros. Héros. Avec, voilà. Et alors moi, du coup, je vais essayer d'aller vite sur les dernières recos. J'ai revu Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage, oui. En VF, parce que ça se refuse pas. C'est son doubleur habituel, dont j'ai encore oublié le nom. Ouais, qui est doubleur absolument incroyable, mais pour le coup, ça a vieilli. Hein, genre le personnage de gay qui, évidemment, s'habille en femme. Plein de trucs comme ça, assez compliqué. Mais le film a un espèce de côté sympathique. C'est-à-dire l'anecdote que j'avais donnée, mais que j'adore, c'est que à la fin, un casino devait être détruit à Las Vegas. Et ils se sont dit, c'est trop con, faut qu'on en profite. Et donc, ils ont fait ajouter 10 000 ampoules dans l'entrée d'un des plus gros casinos de Las Vegas pour le détruire lors du tournage. Et je pense que cette anecdote résume bien le film, c'est-à-dire qu'il a une puissance de feu tellement abrutissante que t'es un peu obligé de l'aimer quand même. Voilà, rapidement. Après, donc très rapidement, je vais vite. J'ai vu The Princess, qui est sur Disney+. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, moi, tu sais, à part Pinocchio. Ça, j'en parlerai pas. donc The Princess, qui est un film qui est réalisé par Lee Van Kiet, qui est un réalisateur. Alors, je vérifie rapidement sa nationalité. Je ne l'ai pas. D'accord, parfait. Bah écoute, il me semble qu'il est taïwanais ou... Bref, dans ces eaux-là, et qui est un film de... vietnamien, qui est un film de Tatane, qui est globalement The Raid à l'envers, mais dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire, il y a une princesse qui se réveille en haut d'une tour, qui doit descendre. C'est sympatoche, ça se regarde bien. C'est... Je sais pourquoi je l'ai regardé. J'ai compris. Pourquoi ? Parce que Olga Kurylenko. Alors, en partie, il faut savoir que Olga Kurylenko, elle a une coupe de cheveux pas possible, et elle a un fouet. Donc elle a un côté momie un peu rigolo. Non, il y a Joey King qui avait quand même joué dans... Bullet Train, du coup. Comment ? Dans Bullet Train. Ouais, bah oui, Joey King qui est dans Bullet Train et qui a quand même joué dans la trilogie The Kissing Booth. Je sais pas si t'as vu ça, mais c'est quand même horrible. Vraiment, c'est très très dur à voir. J'avoue que j'ai jamais été tenté. Ah, t'es pas obligé, je t'assure. Mais là, qui s'en sort en Action Star, c'est pas incroyable, mais globalement, si tu veux voir de la tatane un peu sympatoche, ça dure 1h34, ça se regarde, c'est... C'est sympa sans plus, ça manque un peu de peps, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le talent des chorégraphies de The Raid, et il n'y a pas l'énervement d'autres films. C'est très très soft comme film. Donc voilà, c'est un peu le Cabin Fever, tu vois. Tu le regardes ça un soir, alors que t'es fatigué. Et rapidement aussi, j'ai revu The Green Knight. Je sais que Alban est parti, mais il aurait aimé, de David Lowery, que j'ai réévalué, que j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa. Enfin, très sympa, très très sympa. Non, vraiment, j'ai trouvé ça assez impressionnant. La première fois, j'ai trouvé ça un peu chiant, mais là, je trouve que j'ai été pris par le film. On en reparlera sûrement avec Alban à l'occasion. Et les deux derniers films que j'ai sont plus pour toi, je pense. C'est Oculus. Est-ce que tu connais Oculus ? Ça me dit un truc, mais je peux pas remettre. C'est aussi sorti sur Shadows il n'y a pas longtemps. Ah, mais oui, c'est ça. Parce que t'as pas le titre français. Je comptais le voir dans la semaine. Donc c'est The Mirror, c'est de Mike Flanagan. Ouais. Tu vois qui c'est Mike Flanagan, évidemment. Dr Sleep, ou évidemment Ouija 2, qui était quand même, qui était passé un peu inaperçu, mais qui est quand même assez impressionnant en termes de flip. Qui avait également réalisé les séries The Haunting, Midnight Mass, etc. Et qui est un réal que je trouve assez génial. En fait, je trouve qu'il arrive à insuffler un vrai talent dans le film d'horreur et à vraiment créer des films qui proposent des choses ultra intéressantes tout en étant ultra ambitieuses. Je veux dire, Dr Sleep, c'est quand même un mastodonte de quasiment 3 heures en director's cut et qui était quand même assez impressionnant, j'avais trouvé. Ouais, et là, Oculus, j'ai trouvé ça un peu décevant, mais quand même très chouette et assez flippant quand même par moment. T'as vraiment des trucs qui restent, notamment Je veux ton avis sur un truc. Vas-y. Je viens de voir que quand même, il y a Brenton Thwaites. Et tu sais quoi ? Il est étonnamment bien. Oh ! Non mais je te promets, c'est-à-dire que... Seul rôle ? Il a un rôle qui est assez banal, entre guillemets. Alors, j'ai appris qu'il avait joué dans le premier ou deuxième film de Julius Avery qui s'appelle Son of a Gun. Et à ce qui paraît, il est pas mauvais dedans. Voilà. Mais Oculus, là, il est pas mal du tout. Et à la fin, il arrive à dégager un truc un peu tragique. Enfin, tu verras dans le film, tu verras de quoi je parle. Mais je trouve ça, je l'ai trouvé étonnamment bon. J'étais le premier surpris pourtant. Ça. Parce qu'on voit mieux, ses cheveux. Tu sais, ils sont pas un peu flous. Ça doit être ça. Et après, j'en ai encore d'autres que je pourrais parler. Enfin, si jamais je donne tout avant d'aller au dernier, mais si je donne tout en bordel, Esther 2, qui est quand même une grosse merde. Ouais. J'ai trouvé ça horrible. Je dirais pas jusque là. Le début est flou. Là, oui, toi, le début est flou. Mais ils sont pas su faire la mise au point. Ça, il y a quand même une volonté. Tu vois, ça fait. Je trouve pas que ça fasse suite parce que ouais, argent suite. Enfin, c'est le cas, mais je trouve qu'il y a quand même une légère volonté de vraiment vouloir faire un truc dans l'univers, quoi. C'est pas pris à la légère. Ouais, après, c'est tu vois, mal fait, mais. Je me jetterai pas dessus en Blu-ray, quoi. Non, vraiment, j'ai trouvé ça absolument horrible. Et sa VF à Esther, tu l'as vu en VF? Alors, je comprends pas pourquoi. C'est la même VF que dans le 1. L'accent russe? Oui, la voix est très belle. La voix est bien. Dans le 1, ça fonctionne très bien. Même dans le 2, ça fonctionne bien. Pourquoi elle a un accent russe qu'elle perd entre les deux films? Et surtout, l'accent russe, un accent russe foiré. Il est horrible. C'est l'accent russe cliché. Oh, la vodka, tu vois, c'est... Voilà. Borat 2, que j'ai enfin rattrapé, qui est très cool, qui est un peu moins bien que le 1, qui a plus la forme d'un brûlot politique, mais qui est quand même vachement cool. J'ai jamais réussi à le finir. Borat 2 pas... Ouais, c'est pas fait pour moi. Ouais, non, c'est la comédie du malaise. Vraiment, c'est le but, c'est de pousser le malaise. Hein. C'est... Ouais, et ça me fait pas rire. Le 1, même le 1 te fait pas rire? J'ai pas vu le 1, en fait, j'avais vu le 2. Essaye le 1, parce que le 2 est moins drôle. Là où le 1 me fait pleurer de rire. Moi, vraiment, ça me termine. Us, de Jordan Peele, que j'ai revu, j'ai pas encore vu Nope, mais que Us, que j'ai bien réévalué, que j'ai trouvé assez génial, en fait. Vraiment, très, très, très impressionnant. J'ai vu Cadaver sur Netflix, qui est un film d'horreur sympatoche, vite fait. Rapidement, je suis sur ma liste, tranquille. Opération Mekong et Opération Red Sea, qui sont deux films de guerre chinois. Alors, je veux en parler. Qui sont des films un peu beaucoup de propagande, réalisés par Dante Lam, qui est un roublard, on va dire, du cinéma chinois, qui avait quand même réalisé des trucs assez que j'avais trouvé assez marquant malgré tout, comme je pense à Stool Pigeon ou surtout à Beastalkers, qui vraiment m'avait beaucoup impressionné. Il avait également fait Beast Cops, qui était vraiment vraiment chouette. Il l'avait réalisé avec Gordon Chan, si je dis pas de bêtises. Et là, Opération Red Sea, Opération Mekong. Alors Opération Mekong, je l'ai trouvé un peu en deçà, mais Opération Red Sea, c'est un film de guerre et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi pris dedans. C'est-à-dire que sur le fond, c'est dégueulasse, soyons honnêtes, c'est de la pure propagande, c'est vraiment une espèce de glorification du groupe. Et j'ai remarqué, par exemple, c'est intéressant, lorsque les personnages arrivent à l'écran, c'est pas leur nom qu'on te montre, ce qui apparaît en impression, c'est leur fonction. Par exemple, t'as le wingsuit, le medic, le sniper, et t'as vraiment ce côté démonstration du catalogue de l'armée chinoise. Mais à côté de ça, le film fait 2h20, et sur 2h20, il y a 2 heures d'action pure, ultra violente. C'est très violent, et t'as du combat de sniper, du combat de tank ultra bien fait. Vraiment, j'ai été absolument bluffé par la facture technique du film. C'est-à-dire, sur la forme, c'est impeccable. Bon, évidemment, l'écriture est un peu en deçà, mais la façon de filmer les scènes d'action, de les monter, de choisir ses plans de caméra, choisir ça, c'est absolument dingue. Donc voilà, et Melvin, même toi qui n'es pas fan de films de guerre, tu pourrais essayer Opération Red Sea. Ok, ben je retiens. Et le tout dernier film que j'ai vu, je tenais à le mettre à la fin parce que je tenais vraiment à mettre un accent dessus. J'ai revu, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un classique, Princesse Mononoke. Est-ce que tu l'as vu ? Je n'ai vu aucun film de ce studio. Studio Ghibli, alors j'ai revu du coup Princesse Mononoke, comme je disais. Et c'est... Que dire ? À nouveau, que dire qui n'a pas déjà été dit ? C'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre absolument incroyable. Dans le Miyazaki, ça, j'aime énormément ses films, que ce soit Le Voyage de Chihiro, Totoro, Ponyo, La Poutache, Le Château dans le Ciel, je crois, ou Le Château Ambulant, bref. Mais voilà, et Princesse Mononoke, bah, Bah, c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est visuellement magnifique en termes d'écriture, c'est tellement actuel alors que le film date de 97. Et la fin du film, c'est une apocalypse mise sur écran. Enfin bref, voilà, c'est. J'avoue que j'ai du mal à trouver des mots pour décrire ce film. La musique de Joe Hisaishi qui a tombé par terre. Donc voilà, j'ai Princesse Mononoke, absolument incroyable. Et je fais un énorme bisou à Ulysse qui écoute ce podcast et avec qui je l'ai revu. Je sais qu'il adore aussi ce film. Et voilà, Princesse Mononoke, c'est absolument exceptionnel. Et donc voilà, simplement, on s'approche de la fin. Et vu que je t'apprends encore 5 minutes, je vais a priori ce soir voir Beast. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Il me semble que tu Je l'as vu. l'ai. Non, je l'ai toujours pas vu. Je voulais y aller, j'ai pas pu. Je me suis dit hier soir, mais j'étais trop crevé. C'est pour ça que j'ai regardé Cabin Fever. Et non, j'ai toujours pas vu. Et pourtant, il me tente bien. Bah écoute, je vais le voir ce soir. C'est fait par le mec qui avait fait Everest, si tu te rappelles. Oui, et Two Guns. J'ai pas vu ça, mais Everest, c'était bien. Guns, mon père adore. C'est un de ses films préférés. Enfin, préféré. Il peut le revoir sans fin. Et non, c'était pas si mal dans le genre. C'était Et Denzel Washington. il a aussi fait un film qui s'appelle À la dérive. Et non, je ne parle pas de l'autre film À la dérive. Le chef-d'œuvre. Toi, tu parles du faux chef-d'œuvre. Moi, je parle. Voilà. Non, mais. La pâle copie, quoi. Mais donc voilà, écoute, je vais sûrement voir Beast ce soir, donc on en reparlera peut-être à l'occasion. Bah écoute, merci à toi pour cette participation, pour la participation qui était vachement sympa. Peut-être qu'on refera ce format de temps en temps. J'avoue que moi ça m'a bien plus. Vu que ça dure pas longtemps, on peut même essayer d'en faire un tous les mois et demi. Hein. Bah écoute, on verra comment est-ce qu'on gère ça. On vous dit les auditeurs, il y aura peut-être des modifications de rythme parce que bah, on a Oui. chacun nos études, faut qu'on trouve des moments pour le faire. On continuera de poster régulièrement avec des formats peut-être plus courts comme ça. On verra si on en trouve d'autres. N'hésitez pas à suggérer des trucs évidemment, mais voilà, peut-être des formats un peu plus courts réguliers pour des trucs intégrales. On continuera, on n'arrête pas. Ça reste le ce qu'on voulait faire et ce qu'on va continuer, mais. Voilà, on s'adaptera au rythme, on trouvera tranquillement, on est d'accord là-dessus. Oui. Et donc voilà, bah merci beaucoup. On vous invite évidemment à nous suivre sur Instagram, les réseaux, bref, classiques. Et puis voilà, merci à toi et on se dit bah, à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Eh oui, Allez, hâte. yes! Salut et bonne rentrée à ceux qui l'ont déjà eu.